Allô? Est-ce que c'est bon? J'espère. Non, mais c'était réglé en par défaut, ça devrait marcher, mais est-ce que c'est parce que je débranche mon casque de temps en temps? J'en sais rien. C'était sûr! C'est Bonsoir tout le monde! complètement. Bah écoute, Allô? je t'ai pas recommencé du coup ton intro. C'est bon, c'est lancé, Matt? Oui, là c'est bon, ils nous entendent, hein, mais c'est. Au moins on est constant, hein, finalement, mais. Ah putain, Matt qui nous fait non mais vous inquiétez pas, c'est bon, je gère tout. Et en fait, c'est encore la Ah même non, chose. j'ai pas dit ça, mais. Moi, d'habitude, j'ai pas ce problème-là avec mon stream à moi, quoi. Ouais, comme par hasard. Comme par Donc hasard. bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faucon Millenial, le podcast qui aurait pu et qui aurait dû se passer différemment. Je suis Grouchkov et je suis accompagné de mon fils Adrien. Bonsoir, bonsoir! Et de notre petit tonton Matt. Salut. Et de notre Chippendale Ika. Coucou, bonsoir à toutes et à tous. Voilà. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui se serait passé dans Star Wars si Anakin n'avait pas basculé du côté obscur, si Anne avait eu une relation amoureuse avec Lando ou si Rey sentait bon? Parce que nous, oui, en fait, on se pose tout le temps ces questions-là, on pense qu'à ça tout le temps. Et du coup, on va tenter d'y répondre dans cette troisième et dernière partie de cette première saison de Star Wars, What If, Faucon Millenial. Je trouve que tu t'avances beaucoup en disant la dernière partie, mais... Oui, mais j'ai Non, si, et je dit l'annonce dans le tweet, aussi, hein. hein, mais moi. Ouais. Bah, on va essayer de Il l'a conclure annoncé, donc. l'arc. Bon, et puis si c'est pas le cas, vous pourrez vous moquer de nous. De toute façon, Vous le vous faites faites tout le déjà. temps. Cet épisode est enregistré en direct. Si vous l'écoutez en podcast, n'hésitez pas à suivre notre compte Twitch pour ne pas louper les prochains lives. Tout est dans la description. Et du coup, cette émission, comme elle est en live, elle est interactive. Et on vous donnera la parole à vous dans le chat. Bonjour, comment allez-vous? Ou bonsoir d'ailleurs, comment ça va? Est-ce que vous êtes content d'être ici, d'assister constamment à des fails de live? Bonsoir Natachu, bonsoir Vatkram. Et puis personne d'autre s'est manifesté pour le moment. Bonsoir à tous les autres qui sont là mais qui restent discrets. Ils sont peut-être déjà dans leur lit avec un petit chocolat chaud ou un truc comme ça. Oui, c'est sûrement ça. C'est le temps en même temps. Tout au long de l'émission, comme les deux dernières émissions, évidemment, on fera appel à vous, hein, notre cher Chippendale Ika s'occupera de faire quelques petits sondages auxquels vous pourrez répondre, bien Tout à fait. évidemment. Ce sera extraordinaire. C'est en fait, c'est le futur, tout simplement. C'est le futur. Donc, que s'est-il passé avant? Donc on est toujours dans la même timeline dans laquelle Anakin a laissé Mace assassiner Palpatine au lieu de lui couper la main et enfin on a déjà vu tous les films. Qu'est-ce qui s'est passé? Plein de choses. C'était la merde dans le premier épisode. Il y a eu une scission chez les Jedi entre ceux qui voulaient réformer l'ordre parce qu'il était trop strict et ceux qui voulaient le garder exactement tel qu'il était, mené par Mace Windu qui a fini par faire même un coup d'état. Il a assassiné Yoda. Mais en se pensant évidemment justifié, hein, il se prend toujours pour un vrai Jedi et que c'est les autres qui ont tort. Comme un boomer, en fait, tout simplement. Il a fait un coup d'État et il a créé, techniquement, sa nouvelle religion basée sur tout ce qui est Jedi, en essayant de se faire passer pour les Jedi qu'on connaît d'avant, mais en vrai, ils sont quand même pires. Et du coup, Anakin, Obi-Wan, Ahsoka, tout le Tintouin, Padmé évidemment, sont devenus des fugitifs poursuivis à travers la galaxie. C'était chaud, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé d'important aussi? En plus des deux jumeaux, Luke et Leia, qui cette fois-ci ont bien leurs deux parents, les deux jumeaux ont aussi une petite sœur qui s'appelle Shmi, qui n'est pas sensible à la Force. Ça, c'était le premier épisode, on a installé tout ça. Dans l'épisode précédent, Luke s'est coupé le prépuce devant tout le monde. Ah, j'avais oublié ça, merde, putain. En fait, on avait décidé donc que on reprenait l'histoire combien, 19 ans après, un truc comme ça, 18 ans et ou 16 ans. Bon, bref, je sais plus où j'ai noté ça, mais ça reprenait pendant que Luke et Leia faisaient leur chevaliérisation en grand comité sur un des vaisseaux qui leur servait en fait de maison, en fait, parce que comme ils étaient en toutes ces années en fuite, ils vivaient tous sur des gros croiseurs. Ils avaient un vaisseau temple Jedi, du coup. Voilà, qui servait aussi de temple. Sauf que pendant cette cérémonie de chevaliérisation, il y a eu un attentat causé par Rex, le bon vieux Rex, qui, en fait, à cause de l'Ordre 66, a essayé de tuer Luke, mais a tué Ahsoka à la place, parce qu'elle a essayé de le protéger, parce que c'était elle le maître de Luke. Obi-Wan, lui étant le maître de Leia d'ailleurs, a été vaincu et tué par Mace pendant l'attaque qui a suivi. Et Anakin, lui, aidait ses deux aînés et sa femme à s'enfuir avant de partir lui-même avec sa petite Shmi, donc on le rappelle, qui n'est pas sensible à la Force, mais est un prodige du pilotage. D'ailleurs, sa meilleure amie s'appelle Hera Syndulla. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est sa meilleure amie, aussi sa mentor. Oui, voilà. Mais, dans tout ça, il y a un personnage qui était un peu important, mais dont on n'a pas du tout... Enfin, presque pas parlé la dernière fois, et dont je n'ai pas parlé du tout jusqu'ici. C'est... Matt ? Je non, sais c'est pas. Pas Matt. C'est Boba Fett. Ah oui, c'est Boba Fett. C'est Boba Fett. C'est qui voulait absolument que Boba Fett... Et un grand rôle dans cette histoire. Ah, ok. Je sais pas, comme c'est Matt d'habitude qui a des idées. Je me rends compte en relisant tout là qu'on était passé d'un what if où on était assez succinct sur les événements qui pouvaient avoir lieu à des trucs ultra détaillés. On s'est imaginé les films dans nos têtes, quoi. Ouais, ouais, on va essayer d'être plus succinct cette fois-ci. Mais je pense sincèrement hein, que cette histoire. Enfin, moi, ouais, je sais pas vous les viewers, hein, enfin les listeners plutôt. Mais vraiment, moi elle me fait énormément kiffer en fait. C'est kiffant parce que c'est du fanservice à fond, c'est fait par des fans, mais même pas, je trouve, parce que la création du personnage de Shmi, c'était quand même. Enfin, on a vraiment quand même réussi à. Et avec le chat, hein. Créé avec oui, bien le sûr, chat, c'est avec vous, tout ça. Qui a décidé. Tout ça, c'est avec vous. Hein. Ouais, ouais. On peut pas trop aller en profondeur, mais rien que là, c'est déjà moins éclaté que l'épisode 9, donc forcément qu'on s'éclate. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec Boba? Lui, il fait son chemin dans son coin. En gros, c'est Book of Boba Fett, mais 20 ans avant, en fait. Oh, il a... Il, comment? Non, je fais du bruit, excusez-moi. Oh, pardon. Il a fait, en fait, son propre syndicat de... Pas... Est-ce qu'on peut dire du crime? Bah, oui, on avait quand même marqué un Boba crée une guilde monopolistique de chasseurs de primes, étant progressivement son influence sur les cartels HUT, c'est les syndicats du crime. Donc oui, hein, il prend le contrôle voilà, de tous ces bails-là. Hein. D'ailleurs, voilà, il opère tout ça depuis Tatooine, je suppose, aussi. Ah bah, si c'est pas le cas, ça vous aura affaire à moi. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y a un autre personnage dont on n'a presque pas parlé. C'est un petit orphelin corélien qui a intégré à un moment l'armée de la République de Windu, mais qui a fini par la déserter. Et il a rejoint sa copine Kira et fait de la contrebande pour le compte d'un certain Boba Fett. Et du coup... Voilà, on en est à un point où il y a deux parties de la famille Skywalker qui sont complètement séparées, parce qu'ils n'ont pas pu partir ensemble. Une partie dans un croiseur avec Padmé, Luke et Leia, et une partie avec Shmi et Anakin. Lesquels? Alors... J'aimerais bien qu'on laisse les gens voter. Moi, j'avais ma petite idée, mais lequel des deux groupes, donc celui Padmé ou celui d'Anakin, va arriver sur Tatooine? Ah bah. Non, lequel des deux va aller sur Tatooine pour enfin, moi j'espère, essayer de créer une alliance avec, avec Boba, dont le but, en tout cas, dont la haine envers un certain Mace Windu est, je pense, assez connue. En tout cas, je pense pas qu'il s'en cache. Le groupe d'Anakin, hein, on est d'accord. Voilà, c'est ça. Padmé, Luke et Leia ou Anakin et Shmi. Sachant qu'il y a Anne avec Boba. Vu que Anne, il est avec Kira, est-ce qu'on peut dire que Anakin? Oh putain. Oh, putain de merde. Moi j'ai compris tout de suite, mais je suis juste là. Abasourdi. Je vais y aller. Hein je... Je vais. Donc là, on a lancé un sondage hein, sur le chat. Vous pouvez voter en haut à droite. J'espère le groupe de Padmé, elle est plus diplomate, elle est plus à même de alors, ouais, mais moi j'ai un argument dans l'autre sens. Parce que Shmi ne s'est jamais vraiment senti à sa place parmi les Skywalker. Et ça serait pas mal qu'il y ait une sorte d'histoire où Anakin montre d'où il vient à sa fille. Qui se sent délaissé et qui justement lui montre, je sais pas, Mos Espa ou des trucs comme ça. C'est très rigolo parce que j'étais à peu près. Ah, vous pouvez voter hein, sur le chat d'ailleurs. Bien sûr. Et j'étais d'accord avec Adrien aussi. C'était moi, je voulais qu'Anakin montre aussi la tombe de Shmi à Shmi en fait pour lui dire, tu vois, regarde la tombe de ta grand-mère. Mais non, mais t'as le prénom d'une meuf qui est morte au cimetière deux fois, vous vous foutez de la gueule. Le jour où je meurs, t'enterras mon sabre ici. Hein. Oh non, c'est ça qu'il lui dit avec celui de ton frère et ta soeur. Mais évidemment, en fait. Il y a aussi le fait que pour l'instant, on n'a pas trop parlé de Luke et Leia. Ils sont tellement connus que du coup, on a passé beaucoup plus de temps à s'occuper de Shmi. Et du coup, j'ai voté pour le groupe d'Anakin, mais je me dis peut-être admets que c'est parce que tu c'est ton personnage préféré du What If, Shmi. Bah, tout ça, je pense que c'est celui de tout le monde. Hein. Ouais, c'est vraiment. Anakin, cas, c'est... je l'aime bien dans cette version-là aussi. Pour moi, Shmi, c'est l'héroïne de la trilogie, là. Bah après, pour moi, il est pané. Mais Luke Prepuceless, il a du potentiel pour moi. Je sais pas si c'est le même type de truc. Les gens ont voté. Les gens ont voté. Et du coup, Anakin décide d'aller se réfugier dans la planète la plus éloignée de tout. Celle où il a grandi. Celle qui déteste, qui l'a fait souffrir. Et en ce moment, il souffre encore une fois. De la séparation avec sa famille, mais ouais, il pense que tactiquement c'est le meilleur endroit où se réfugier en attendant que les choses se tassent, et il se dirige donc vers Tatooine. Faut dire que personne penserait à venir le chercher à l'endroit qu'il déteste le plus, quoi. C'est vrai. Non, mais je me moque pas, c'est... Ce qui est drôle, c'est juste l'endroit où passe toute la galaxie tout le temps, Tatooine, quoi. Oui, mais c'est ça qui est rigolo. Oui. C'est vraiment, en fait, là où Anakin, il va dire à Shmi, « Hey, je déteste ce sable. » Et au fait, hey, tu sais qu'en disant ça, j'ai réussi à pécho ta mère. Oh putain, non. Non, il dirait jamais ça. Oh my god. Non. Donc c'est le sable, hein, c'était une pick-up line, ok. C'est pas vraiment important pour lui. Anakin et Shmi, donc c'était le cheminement bleu. Voilà. Ils sont dans le croiseur 2. Et d'ailleurs, il n'y avait pas Cody qui faisait partie de leur groupe aussi. Je crois qu'on avait parlé du fait que peut-être qu'Anakin il serait en colère un peu contre... suspicieux de... des clones, ouais. Donc de Cody. Moi je pense qu'ils sont que tous les deux. Hein. D'un point de vue scénaristique, c'est beaucoup plus intéressant de les laisser à deux plutôt que de mettre du monde avec eux. C'est un croiseur, Doudou. Ils ont rejoint un croiseur. Mais oui, ils sont pas tout seuls. Ouais, mais les autres, on s'en branle. Tu regardes dans l'épisode 1 sur Tatooine, il y a que Jar Jar, Padmé, Obi-Wan et Qui-Gon, et R2 à la rigueur. Ouais, bah ça fait pas 2, ça fait 5. Oui, d'accord, mais ça fait une carte. Oui, mais du coup, Cody, il est quand même là. Non, mais il est là, mais il fait pas dans son vaisseau. Il répare le vaisseau, je sais pas, j'en sais rien. Il va jouer à Mos Espa. Il y a Hera aussi, du coup. Ah non, faut qu'elle se retrouve toute seule, Shmi. Hera, elle est pas là. Quel enfoiré, ce mec. Mais non, mais bon, c'est normal. Quel droïde ils ont, du coup? Ils ont un nouveau droïde qu'on va appeler... On va appeler... Eb. Oui, pourquoi ils auraient pas R2, en fait, je comprends pas. Oui, moi, je pensais qu'ils avaient R2, et d'ailleurs, R2... Ouais, si, vas-y, R2, pas le... là, ouais, t'as raison. Un peu le meilleur ami de Shmi. Ouais, c'est, ouais, c'est oui, déjà c'est celui d'Anakin en plus. Donc, Ouais, c'est ça. Mais genre, oui, du mais coup. C'est ça, Anakin et Shmi, ils sont. Ouais, c'est vrai. Enfin, voilà, ils sont tight. Ouais, mais non, bien sûr. Généralement, t'as pas de préféré chez tes enfants, mais bon, Anakin, il a pas eu la note. Mais je pense. En vrai, je pense qu'Anakin, il n'y a pas de préféré. Mais je pense surtout que. Il voit que Shmi, elle est genre. Un peu déçue, genre de pas avoir la force ou quoi. Ou en tout cas, qu'elle se sent pas à sa place. Et du coup, c'est genre le good dad qui fait tout pour la rassurer, tu sais. Mmh. Je dois écrire quoi? Il décide de rallier Tatooine et ensuite... Anakin et rencontre pour se réfugier, quoi. Pour l'instant, ouais, on se met là. Pour se replier. Et l'idée, c'est quoi? C'est quand même de rentrer en contact, ouais, bah, avec les autres. Lécher leurs blessures et puis essayer de... Est-ce qu'ils peuvent les contacter? Ou est-ce qu'ils peuvent pas les contacter? Non, parce qu'ils pensent qu'ils sont surveillés. Ils savent pas ce qui s'est passé. Donc, ils savent pas pourquoi il y a eu l'attentat et tout, comment ils se sont fait choper. Et c'est pour ça que moi je voulais mettre des tensions entre Anakin et Cody, parce que ben, le seul qui a trahi, techniquement, ben, c'était Rex. Et du coup, Cody c'est aussi un clone. Ouais, mais est-ce qu'on va passer se perdre à un moment donné? On peut garder ça de côté, on voit ce qu'on peut en faire ensuite. Mais... Ça peut être un truc rapide, on peut en faire une ouais, case. Faut tirer des gros traits pour l'instant, des grandes lignes. Ouais, ouais, on fait des grandes lignes, d'ailleurs on va... Pour se replier, comment dire... Bon, on va déjà mettre ça. laisse ça comme ça, et on va passer aux autres... Ah d'ailleurs, tu as mis de la même couleur que le truc... Ah oui, donc à la suite du rouge, du coup, il y avait Padmé, Luke et Leia quittent le champ de bataille à bord du Croiseur 1 avec d'autres SKP et C-3PO, évidemment. C-3PO qui tient toujours dans sa main le prépuce de Luke. Ah non, arrête avec ça. Il en a fait ces histoires de prépuce ne sont pas canons. Oui, c'est juste pour rire. Où est-ce qu'ils vont du coup? Bah, bonne question. C'est genre un saut. Est-ce que c'est genre un saut à l'arrache? Ouais, je pense qu'ils ont fait un saut rapide, quoi. Genre. Qui tombe dans un endroit. Voire même plusieurs à la suite. Ouais. Donc... La solution de facilité scénaristique, ça aurait été de les emmener sur Naboo, mais je sais pas si c'est nécessaire. Non, en plus c'est trop évident. Ouais. C'est beaucoup trop évident, Naboo. On a bouche, faut que ce soit la fin. Bespin. Quoi? Non, je dis de la merde. Bah en vrai, ouais, Bespin, pourquoi pas? Mais y a pas Lando là-bas? Il fait quoi, Lando? Lando, on sait pas, ce qu'il fait, mais bon, je suppose qu'on peut dire qu'il a eu la même. On peut considérer qu'il a réussi à magouiller de la même façon et puis à se retrouver aussi gouverneur. Hein. Je pense aussi, il a pas été. Il n'est pas impliqué dans la guerre civile avant l'arrivée de Han Solo et de Leia et de Chewbacca sur Bespin, donc il n'y a pas de raison qu'il ait une autre vie, en fait. En termes de chronologie, je ne sais plus où on se situe au niveau de l'épisode 4, là 4, 5, ouais, là, on est entre les épisodes 4 et 5. Ok, ok. Ouais, donc, c'est juste après le 4, hein, je pense, parce que là... Oui, c'est ça. Ouais, alors, j'ai une vraie question. Bespin, mais... Parce qu'il y a Pin dedans. Oui. Mais non, mais sinon, quel intérêt d'aller sur Bespin, en fait, parce que Han il y va parce qu'il connaît Lando. Ah, mais on disait oui, qu'ils arrivaient dans un endroit random, donc quitte à choisir un coin random, ça pouvait être intéressant de créer une connexion à cet endroit-là justement. Avec... Après je dis ça comme ça. Hein. Non, mais oui, effectivement. Ça peut être par là. On t'a pas entendu. Il trouve Lando qui est en contact avec. Avec Boba. Ok, je disais, ça pourrait être... Allô? Oui. Oui, c'est bon, c'est revenu, excuse-moi. Ouais, c'est vrai qu'il y a Tako Dana qui est un endroit intéressant aussi, pour oui, se cacher. On peut mettre plusieurs trucs et laisser le chat choisir, et nous, on fait... Balancez vos idées. Oui, ils sont pas obligés d'aller dans une planète, mais moi j'aimerais bien que Padmé elle ait un peu un rôle. Un rôle. Enfin, Padmé elle est petite. Ouais, voilà, déjà qu'elle ait un rôle tout court. Ça, quoi, ça pourrait être Kreid aussi. Ça pourrait être. Le problème des coins comme ça, Hot, Kreid et tout, c'est qu'il n'y a rien. Donc pour créer des interactions, ouais, c'est compliqué. Ça. Après, Takodana, c'est la planète où il y a Maz et son château. C'est un repère de brigands et de bandits, mais un peu moins malfamé que Mos Eisley. C'est alors, c'est le syndicat du crime, mais FC Bienveillance. C'est un peu plus chill. J'aime bien Takodana. Bespin, Takodana, il y avait quoi comme choix? En fait, il nous faut une planète où il puisse avoir une connexion avec Boba, je pense. En vrai, de vrai, Takodana, ça serait tellement malin. Narshada Narshada. Bah, Natashu, est-ce qu'elle connaît ces coins-là? On sait pas, mais en fait, c'est parce qu'il y tombe un peu par hasard après avoir fait une série de sauts à l'arrache, sans calcul. Ouais, ah, c'est le hasard Star Wars. Quel est le truc le plus près? C'est le hasard Star Wars. C'est la force. Quoi. Fake de force, non mais vraiment, c'est ça. Et on a quoi là? Takodana, Bespin. Takodana, Bespin et. Toi, tu disais Narshada. Narshada, bah on parle de contact avec la pègre, alors forcément Narshada. Ouais, mais quoi. C'est le meilleur moyen mais pour. En après, c'est peut-être vrai... trop peuplé pour le coup, ouais. Narshada. En vrai de vrai. Oui, merci. Takodana, ça paraît pas con parce que ben, Maz elle a un lien étroit avec les Jedi et du coup ben, peut-être qu'elle est en contact avec, ouais. Avec la rébellion quoi. Moi c'était juste pour intégrer Lando dans le bail. Hein. Après remarque, ah, mais en vrai de vrai, c'est pas con. Je pense que Takodana aussi. C'était une bonne idée. Ouais, mais y a pas Maz sur Bespin. C'est vrai. De toute façon, c'est pas nous qui. Et en plus, c'est un ancien temple Jedi. Bespin quoi. Les je mets en place un sondage avec Takodana et Bespin. Oui, il est lancé. La merde, je viens de craquer mon calcif. Votez Takodana voilà. S'il vous plaît. Bienvenue sur tout compte qu'il est idiot. Vous pouvez voter le chat. Alors pour te répondre, à Result, Mace Windu, il a sombré dans un état autoritaire, mais oui, il a sombré dans le côté obscur, hein, alors, quelque part. C'est le côté obscur, enfin, oui, il y a le côté obscur, mais c'est pas... C'est pas un Sith. C'est pas obvious, oui, je suis méchant. En fait, c'est plus un Jedi, qui a vrillé, qui a vraiment vrillé, mais... Il n'est pas du tout dans la culture Sith. Voilà, il est dans une culture de Jedi autoritaire. En fait. Ouais, c'est plus du Jedi extrémiste, on va dire. Tu vois dans l'épisode. C'est Mélenchon qui a mal tourné. Windu, bah c'est Windu, mais en plus vénère. Quoi. Genre, c'est ça. Windu sans frein. Quoi. Bah, c'est bon, assez de prépuces laisse comme ça. J'ai cherché un truc à faire avec ça. Merci. Pour l'instant, Takodana est en tête face à Bespin. C'est un Jedi absolu en fait, Windu. T'es pas avec moi, t'es contre moi. Quoi. D'ailleurs, et sur Takodana, ils peuvent facilement tomber sur Han et tout, vu que. Ouais, on rappelle c'est ça que en fait. Maz, c'est censé être aussi un mentor un peu. N'hésitez pas à voter, ne laissez pas le vote sur une égalité, s'il vous plaît, je vous en et supplie. Voter Takodana en plus, si c'est possible. Mais laisse les gens voter ce qu'ils veulent. Non, mais en plus de ça, on a. Petit oui, point, petit ça, point lore. Zulando, ouais, effectivement. Petit point lore, les ruines qu'on voit dans Takodana dans Star Wars 7. C'est les ruines d'un temple Jedi. Qu'on voit se détruire. Non, parce que Lando, il est sur Takodana des fois. Oui, il peut y être aussi, on peut dire oui, il n'y a pas. Techniquement, dans ce genre d'endroit, il peut y avoir tout le monde. Super. Takodana et Spin. Bah, ils vont aux deux. Ils vont aux deux. En fait, ils vont faire un tour un peu partout. il se dit, bon, on a perdu du monde, on va faire un petit tour de la galaxie. Du comme coup, ça. Finalement, ils vont à Narshada, quoi. Mais non, mais Takodana, c'est pour ça tellement qu'il malin faut avec trois... Maz. C'est pour ça qu'il faut trois planètes. ça avait l'air de vous brancher Takodana. On peut aller sur Takodana et plus tard ils iront récupérer, je sais pas, du gaz Tibana sur Bespin. Alors Bash a une bonne idée. Ils vont sur Takodana et Maz va les envoyer vers Lando pour qu'il peut les soutenir. Ouais, c'est possible. Ouais, ça c'est une bonne idée. Ouais, tu peux mettre ça. Ils vont se réfugier du coup sur Takodana. Ils rencontrent Maz. Qui décide de les aider parce qu'elle aime pas trop tout ce qui pue la merde. Je travaille du coup. Ouais. Alors, ouais. Et après avoir passé quelques temps ici, ils rencontrent peut-être Anne, qui est son protégé, et elle lui demande de les accompagner vers Bespin pour pouvoir récupérer un peu de gaz Tibana pour leur truc avec une réduction heures. Parce que tu sais, genre, dites-leur que c'est Maz qui vous envoie. Et ils y vont du coup pas avec le croiseur, mais avec avec quel vaisseau du coup, merde. Est-ce que Anne bah et Chewie, est-ce que oh la vache, c'est Anne et Kira déjà? Et ah, y a... non, il n'y a pas de Chewie. Mais Chewie, il est avec sa famille, il faut lui la paix, il est bien. Oui, c'est vrai. C'est... Pour une fois qu'il profite. Oui, c'est vrai, Chewie, il, ouais. il vit sa vie tranquille. Dans cette timeline, on va pas parler de Chewie, parce qu'il vit sa vie tranquille. Bon, il est heureux ça me va. À regarder... avec son père qui regarde des porno bizarres. Son fils qui fait de l'ossé. Alors bon, avec l'outrider. Oh Bash. Quelqu'un peut time out Bash quelques temps. Oh Defba non. Alors, vous voyez ce que j'écris ou pas là du coup? Oui, on a vu ce que tu as écrit. Donc est-ce que j'en rajoute encore dans cette case ou bon, tu peux mettre Maz Bolos Luc parce que il a pas de prix de fils. Pardon. Ah, ça me fait trop rire pour rien cette merde. T'as les blagues de prévu, ça te fait rien. Je sais pas pourquoi ça me fait autant rire. Parce qu'à chaque fois j'ai l'image que j'avais en tête la dernière fois où le mec il a son prépuce ensanglanté dans les mains. Ça me fait juste trop rire, je sais pas pourquoi. Non, il le coupe avec son sabre, c'est pas ensanglanté, c'est cautérisé. Ah, ça dépend de la version, t'as vu l'épisode 4 ou pas? C'est comme un petit bout de brochette en fait. Ce sera pour la Special Edition, donc il y aura tous. Tout comme les rondelles de calamar frit là. Oh putain, Matt. Au japonais. Donc, qu'est-ce qu'on peut. Dire après ça. Voilà, là, vous voyez, on fait plus concis que la dernière fois. Ça avance plus vite. Il passe quelques temps sur Takodana. Maz s'accroche sur le dos de Leia qui va courir dans la forêt. Non, mais c'est déjà des chevaliers, hein. C'est déjà des chevaliers en plus. Elle aime pas elle aime pas les conneries. Maz, elle aime pas l'oppression. Elle aime pas les conneries. C'est un peu ça dans l'épisode 7. Elle aime pas la merde, c'est tout. Elle aime pas le grabuge. Ouais. Pendant ce temps-là, on peut dire que Leia, elle s'entraîne et Luke, il essaye de contacter sa famille. Vous avez mais déjà il sait pas comment faire. Le Calrissian. Carlissian. C-A-L-R. Carlissian. Carlissian. Ah oui, Carlissian. Oui, oui. Ah oui, mais oui. Ça fait sens. Là, je suis fatigué. Pour. Comment dire. Pour. En flou. Non, je cherche un. Il y a un verbe qui existe. Je l'ai perdu. Pas pour faire le plein, c'est pas. Oh, il était trop long le time out sur Bash, mais bon, c'est pas grave. Ouais, je suis en train de dire, t'as abusé. En fait, il était automatique, j'ai pas pu choisir. Ah oui, bah mais pourquoi tu l'as ban, putain. Mais je l'ai pas ban, et puis laisse-moi faire, je m'en occuperai. Venez sur notre live, hein, on vous banne et tout, c'est trop cool. Un moment unique. On serait heureux d'être là. Je serais smart, hein. Bah j'espère, sinon c'est pas drôle. T'en es à pour pouvoir s'armer, quoi, pour pouvoir recharger les batteries. Ouais. Faire des munitions, parce que c'est à ça que ça sert le Castibana. Bah ouais. Pour s'armer, hein, tout simplement. Et c'est là qu'ils vont rencontrer Boba et ses potes. D'ailleurs, t'as pas mis... Du coup, on le fait pas que Anne, il est là, il les accompagne. Bah si vous voulez, il peut être très bien. Tous les coups, il zone avec Lando de toute façon. Hein, donc... Ah, pour moi, justement, c'est lui qui les accompagnait jusque là-bas. Ah bah, je peux le faire encore, c'est pas trop tard. Hein. Tu sais, genre, Maz, elle fait... Regardez, c'est mon fils. il est un peu con, mais il est mignon, quoi. Ah oui, d'ailleurs, dans cette timeline-là, c'est que... il a que la tête de Alden... Ehrenreich. Il a pas du tout la tête de Harrison Ford. Juste pour être on fait ça juste pour être chiant en fait. C'est rigolo parce que j'ai vraiment ouais, j'aime bien, sa tête j'aime à bien, lui. Hein. J'ai vraiment que sa tête à lui à chaque fois que j'en parle. Toi aussi. Donc voilà, c'est canon. Mais Ika, qu'est-ce que tu fais au pauvre Bash? Coucou Bash, désolé, je pensais pas qu'en cliquant sur les 10 secondes ça allait bien direct. Faites pas gaffe à ce que je fais, je me bats avec les flèches. Hein. Continue. Ouais, on pourrait galérer avec moi. Si vous écoutez ce podcast en différé, on a également une vidéo qui est disponible sur YouTube où vous pouvez voir justement un timeline se faire devant vos yeux ébahis. Alors, c'est pas vraiment une timeline, hein. C'est un énorme schéma avec plein de trucs qui vont dans tous les sens. Mais oui, ça bah, fonctionne. Si tu mets du temps, tu mets du vrai, temps, tu mets une unité de temps en dessous, c'est une timeline. Hein. Oui, ouais. Bon. Décidez d'être chiant, toi, ce soir. Je vais y arriver. Ah voilà, j'arrive. Continuez. Faites attention à moi, pardon. On en est là. On en est là. Je sais même pas où aller jusque-là. Anakin fait visiter. On parlait de Lando là. De Han. Ouais. On reste là-dessus. Oui, pour moi. Enfin. Bon. Si vous voulez, on peut encore faire un. Ah, tu veux un sondage? On peut encore faire un sondage. Est-ce que, du coup, Maz les introduit à Han et il les accompagne avec son vaisseau qui est plus petit et plus discret qu'un vaisseau de la République? Enfin, tu sais, un croiseur de l'ancienne République. Je sais pas pourquoi, mais Kanata en maman de Han, et puis j'imagine trop les Baudins, en fait, les deux, ça marche trop bien. Pardon. Mais tu vois, ouais. Je sais pas, moi j'aime bien cette idée-là que... Et du coup, ils ont des connexions avec Boba et tout, mais Han, c'est un peu le bébé débile de Maz, quoi. C'est le bébé beau, comme on dit. Il y a Imbo, Bimbo et Baby Bo. C'est Han, quoi. Il est un peu con, mais il est gentil. Ouais, bah c'est typiquement Han, quoi. Il est un peu con, mais il est gentil. C'est mon fils. faut faire avec. Mais vous allez voir, il est sympa. Du coup, il se prend Han, direct la tête avec... C'est le frère de Cort. Oui, techniquement, oui. Mais ça, c'est même dans le canon. Ah, trop bien. Mais du coup, il y a un sondage qui est fait ou pas fait? Non, il n'y a pas fait, de... Non, j'ai pas fait le sondage. Pardon. Est-ce qu'il y a besoin d'un sondage, du coup? Non, je pense pas. Moi, je pense qu'on est d'accord pour y mettre Han, et puis voilà. Mais on peut faire un sondage sur quel vaisseau il a. Oui, est-ce que c'est un VCX 100? Est-ce que... Ah non. Ça c'est interdit, on touche pas. Non, attends, non, qu'est-ce qu'elle a comme Maz Ship? Est-ce qu'elle a un vaisseau? Sûrement une vieille. Époque Swift, c'est quoi? Ouais, je sais pas. Faut que j'écrive la suite du coup. Elle a forcément un vaisseau vu qu'elle est oui, je regarde là un nom et tout, je me demande quel type de vaisseau c'est. Ça s'appelle le Epoch Swift et en fait il ressemble a priori à un des concept art de le truc. Il a une page Wikipédia, je mets ça, je vous donne ça et vous me dites. Du coup, parce qu'elle peut, aussi prêter son vaisseau parce que c'est son fils, quoi. Du coup, ils ont ce vaisseau-là qui est espèce de Faucon Millenium, mais dégueulasse. Tu le rayes pas, s'il te plaît, du coup, aussi. Un benêt en fait, c'est ça. Un gros benêt. Mais tout le monde l'adore. Non, il est vraiment vilain hein, ce vaisseau, hein, putain. Ah, il est chum de ouf. Hein. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez celui-là? Je vais faire un petit sondage. Ouais, mais faut qu'on choisisse d'autres vaisseaux possibles, du coup. Bien sûr. On s'en fout pas un peu des Bash vaisseaux, pour avait proposé un vaisseau style Outrider. Un qui est canon, plutôt. C'est un modèle canon. Hein. Non, je sais, mais bon. Est-ce que c'est vraiment important, le vaisseau, comme disait Adrien juste avant? Non, je suis d'accord. C'est pas forcément très important, ouais, mais... Je veux l'avoir dans ma tête. Pour les nerds, c'est important. Pour que Koldalaya puisse nous faire des... d'autres... Ah, mais on peut lui donner le troisième, là. Le troisième YT. Ah, mais ça, des croiseurs... Oui, des croiseurs coréens. Le 1300... Les cargos coréens, il y en a 15 000. Hein. Le 1300, celui qui est symétrique avec le cockpit au milieu, là. Par exemple. Attends, c'est lequel? YT 1300. Écris non, pardon, c'est YT 2000, pardon. C'est pas le 1300. 2000? Oui, le 1300, c'est... 2000, c'est bien, c'est parfait. C'est pas le meilleur, mais c'est pas le pire. Ah bah, le pire, c'est forcément le... 2400. Ok. Écoute, moi, je suis d'accord. Qu'est-ce que je fais, moi, du coup? Bah, rien. Comme ça, Grush, il peut imaginer quel vaisseau utilise Anne. C'est bon. Je l'ai juste dans ma tête. C'est bon, c'est bon. Suffisant. D'accord, ok. À bord du... Oui, mais il faut qu'on lui donne un nom, par contre. Mais ça peut être pratique, oui. Quel nom on lui donne? Du Condor. Elle a donné un nom à son vaisseau, là. On s'en fout. Hein. Parce que Faucon Millenium, c'est même pas Anne qui l'a donné. Elle, son vaisseau, c'est le Stranger's Fortune, c'est ça, non? Non, pas du tout, c'était le Epoch Swift. Ça, c'est le modèle, je crois. Non. Non, t'es sûr? Peut-être, hein. Ah non, je dis une bêtise. Non, elle en a... C'est... Il y en a deux. Bon, pardon, je dis une bêtise. Non, mais le Millennium Condor, c'est très bien. Mais en anglais. Le Millennium Condor. Le Millennium Condom. Oh non. Oh, ça doit être dégueulasse. Il faut qu'on millennial. Mais peu importe le nom, en vrai. À bord du vaisseau, ouais, c'est un masque. Franchement, on s'en fout. Ouais. À bord du Cleft. Oh, le Pygarque séculaire, il est très bien celui-là. Pygarque séculaire. Ça vous amuse. Je suis trop fatigué pour lutter ce soir. Voilà, vendu. On avance. L'ornithorynque. L'ornithorynque. Ah, c'est stylé, ça aussi. Non. C'est stylé qui dit Ornithorynque. Ok. Donc voilà, eux ils vont faire affaire sur Bespin. Que fait Mace Windu pendant ce temps-là? Je pense qu'il les pourchasse. Il les. On rentre dans une dans la boucle scénaristique de la trilogie originale où ils sont pourchassés par. Ouais, comment il Pardon, peut faire Pierre. Pour les. Comment il peut faire pour essayer de les récupérer? Oh, Koda, tu es là! Il envoie Coucou. Les droïdes sondes dans tout. Coucou, Koda! Il envoie des droïdes sondes. Non, bah, mais ça, on rappelle trop... qu'il a. Il a. Les arbitres Jedi. C'est quoi cette merde encore? J'ai oublié. Et il a mis en place. Inquisiteurs, quoi. C'est comme les Inquisiteurs, mais ils sont habillés différemment. Il y a 4 ouais, caissons dedans, parce que son maître est un connard. J'ai envie de tuer Adrien. Non, mais moi, dans mon canon, Cal, c'est un méchant. Ça D'accord, bah chier, il va se faire tuer par Anakin. Non, pas Anakin. Bah, par Shmi. C'est encore plus drôle. C'est même pas un Jedi. Non, par Caleb. Mais arrête! Mais quoi? Mais dans ce cas-là, ok, mais ils font ça dans leur coin et on le saura jamais. Ok, d'accord, mais on dit juste. Non, mieux, il y a une romance entre eux qui s'établit. Tu feras ta fanfic à côté. Ouais, j'avoue, je ferai. Si c'est que des personnages qu'on n'a pas dans notre truc, ça sert à rien. Allez, fais ton légende à côté, y a pas de soucis. Alors, bon, du coup. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bah, écoute, on va regarder rapidement ce qu'on a. Pardon, oui. Oui, les arbitres Jedi vont parler Grush. Ça, c'est un peu, ouais, c'est les mecs qui sont juste sous ses ordres directement. Bah, faut voir, est-ce qu'il fait un truc à la Vador ? Est-ce qu'il envoie des sondes partout ? Est-ce qu'il envoie des arbitres partout ? Mais pareil, c'est compliqué quand même, peut-être. Parce que là, en fait, le truc, c'est qu'il est supposé en train de les traquer. Il les traque, c'est ça, non ? Il les traque, ouais. Il les cherche. Tout ce qu'on peut dire, c'est que... C'est ça, ces arbitres aux quatre coins de la... Oui, il envoie les arbitres aux quatre coins de la galaxie. Alors, pour essayer de les retrouver. Je pense que c'est tout ce qu'on a marqué. Je viens de réaliser, parce que j'ai un truc pile sous les yeux, mais en fait, en solo, on avait déjà mis un truc pour Anne. Il fait de la contrebande avec Kira, pour Boba. Qu'est-ce qu'il foutrait avec Maz ? Parce que Maz allait dans les sales coups. Et après c'est Maz qui va dire « Et au fait, j'ai un pote, Boba, là, il veut tuer les méchants Jedi. » L'un empêche pas l'autre, mais du coup c'est Anne et Kira qui emmène... Oui, il y a Kira avec Han Solo, du coup, effectivement. Est-ce que je peux mettre deux couleurs sur une case ? Je vais vérifier si c'est possible ou pas. Et du coup... C'est vrai qu'on a passé très peu de temps sur Luke et Leia. On a Kine et Shmi, putain, alors que c'est plus intéressant. Non, mais... Luke et Leia, on en parle à peine. En branle, c'est des connards. Pour l'instant, c'est des suiveurs, hein, j'avoue. Je vais hâte Carrie Fisher, je vais lui dire que tu trouves que c'est une connasse. Non, pas Leia. Luke, j'aime pas, mais Leia, j'aime bien. C'est mon personnage préféré de la trilogie originale. Avec Chewie. Mais c'est ça, Maz et Boba, ils se connaissent, hein, clairement. Mmh. C'est pour ça que ils vont se tomber dessus d'ici peu, en fait. Finalement, peut-être qu'ils vont même pas se... Ça se trouve, ils vont avoir genre, faut aller sur Tatooine. Et du coup, ils vont aller sur Tatooine pour rencontrer Boba. Ils vont voir les autres. Ils vont faire, mais qu'est-ce que vous foutez? Ah bah voilà, oui, nickel. Ouais. Et entre temps, pendant ce temps, Shmi, elle aura participé à une course de pod pour s'occuper. Ah, je suis en train de penser à un truc, mais effectivement, Natashu a raison. Ils peuvent très bien arriver chez Maz. Et Han Solo, en fait, il est là pour le compte de Boba. Et il est en train de faire une transaction avec elle. Oui, bien sûr. L'un n'empêche pas l'autre, finalement, j'ai rien dit. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, il y a les deux. Je suis bien d'accord. Du coup, ça me rend trop heureux que Han, ce soit le frère de Kort. Je sais pas de qui il parle, mais s'il est content. C'est dans la Haute République. Mais tu sais que c'est Adrien, il est toujours comme oui, ça. Non, mais pardon, mais je suis trop content. Si l'enfant, il est content, c'est bien. Oui, bah, c'est ça. Ah, t'as remis le truc là-bas. Moi, je mets pas à droite, plutôt. Bleu. Parce que j'en ai marre que ça aille toujours à droite. Non, mais c'est logique, c'est dans une frise chronologique après. Bah oui, c'est chronologique. Mais moi ça monte, ça descend. C'est chronologique. C'est la merde. Non, franchement, c'est mieux à droite, hein, Matt. Il est mieux dans l'autre colonne pour le coup. Ouais. Vous faites chier. Hein. On t'aime aussi, hein, tu sais. Non, pas moi, je vous aime pas, vous me faites chier. Bisous, Koda. Bisous, Koda. Bisous, Koda. Il y a un truc que je comprends pas, c'est que Kort, il est mort depuis longtemps, en fait. C'est ça le truc, c'est que Adrien, il va parler que de trucs dont on a rien à foutre, en fait. Même moi qui connais. Je vais mettre les trucs à droite, ouais, rien que ça déjà. Et Groskov aussi. Oui, pour le coup, mais c'est pas un souci de logique, en fait. C'est dégueulasse, voilà. Je suis de droite, mais c'est pour des raisons logiques, ok. Anakin et Shmi, qu'est-ce qu'ils font sans Tatooine? Ouais, c'est ça la question. Déjà, où est-ce qu'ils vont se réfugier? Ils ont des réparations à faire ou pas? Ça serait rigolo déjà. Bah, sûrement. Oh, ils vont voir Watto. Oui, j'y pensais. Et ça, et ça, je connais pas Anakin. Et ça, c'est papy. Ma question était pas innocente. Il reconnaît pas Anakin et il laisse Shmi. Tu sais, Anakin, il laisse Shmi à négocier avec Watto et comme elle a. Enfin, je veux dire, elle est pote avec Hera et R2, donc elle se laisse pas marcher dessus et elle le bolos. Est-ce qu'il a réussi à faire son bise depuis le 2? Non, en fait, il est sûrement mort depuis longtemps. Mais pas dans cette timeline. Non, peut-être pas. Non, mais en vrai, imaginons. En fait, le ce qui serait cohérent, c'est qu'il aille chez la seule famille qui lui reste de ce côté-là, enfin sa belle famille. Quoi, les Lars? Moi, je pense qu'ils vont. Ils iraient chez les Lars. Là-bas, oui. Mais ouais. Ils ont besoin quand même de réparer leur truc. Ils ont pas les pièces, les Lars. Ouais, mais bon, c'est pas du tout au même endroit, Watto. Bah, moi, c'est Splay, moi, c'est Spa. Enfin, bah, pendant si qu'ils loin sont, que ça. Ils sont partis boire un café chez Watto, c'est tout, c'est pas. Ouais, mais moi, c'est Splay, moi, c'est Spa, c'est deux villes différentes sur la planète, c'est ça, oui, je veux mais... dire. C'est pas 6 jours de marche non plus. Ça se fait bien en speeder. Ils ont un croiseur et je pense qu'ils ont encore des chasseurs dans le croiseur. Hein. C'est vrai. Ils c'est le vrai. Font les tirs allemands dans l'épisode 2. Hein. Ils arrivent sur Mos Espa et il leur dit oui, ils sont là-bas et puis bah ils y vont. Et puis c'est en plus, tout. Il me semble que c'est trois, vraiment 3 minutes après, il y a. Enfin, après, il y a une ellipse. Ils y vont quand même en vaisseau, mais. De toute façon, ils sont en croiseur là. Donc, ouais, ils le posent dans le champ. Tu sais, t'as Owen qui sort de chez lui et il regarde et putain, mais c'est quoi ce croiseur dans mon jardin? T'inquiète, qui fait salut. Je découvre en cherchant du coup que Tatooine n'est pas colonisé entre guillemets sur toute sa surface, qu'en fait il y a une zone civilisée. Qui est appelée la zone civilisée, tout simplement. Wow. Incroyable. Et c'est là que se concentrent tous les 5 grandes cités de Tatooine. C'est dans la même zone, en fait. Tout est à distance physique les uns des autres. Ah oui, c'est pas à l'autre bout du... Non, et le reste de la planète est... On sait pas ce que c'est. Est vide ou quasi vide. C'est des déserts profonds, en fait. Ah, c'est des Tuskens, non? Ouais, et même là encore... Même là encore, en fait, il y a marqué qu'il y a des villages et fortes scènes dans la zone civilisée parce que les déserts profonds doivent être trop, trop hostiles, en fait. Et c'est dans le canon, ça, ou dans le légende? C'est dans l'ancien RPG Star Wars, donc je pense que c'est du légende, tout ça. D'accord, ok. Quand je dis Tatooine, c'est un endroit passionnant. Oui, d'ailleurs, est-ce que Anakin va sauver un village d'un dragon crate lui tout seul? Un gros beau gosse. Pourquoi pas. Genre, tant qu'on est là, autant, bon, moi, autant je... aider pourquoi les gens. Pourquoi ça? Il s'est posé là, il a vu un tableau de bord. Il s'est dit, oh la vache, le nombre de sidequests qu'il y a ici. Bah écoute. Bon, let's go. Non, mais en vrai, on sait pas combien de temps ils vont être là. On a qu'à dire que, ouais, pendant une sidequest qu'on notera pas, il a fait ça. Et du coup, est-ce que pour réparer son vaisseau auprès de Watto, il est obligé de faire participer Shmi à une course de pod? Elle peut pas parce qu'elle a pas la force. Lui, il a réussi à faire parce qu'il a. Mais alors, justement, elle y arrive alors qu'elle a pas la force, elle a encore plus. Non, c'est vrai que Anakin y arrive seulement. Mais oui, elle va mourir en fait. Aucun humain peut faire ça. Elle est coupée de la force ou c'est juste qu'elle non, a mais la par force, contre, elle peut essayer de vouloir. Elle peut essayer de le convaincre, genre, la dernière fois que t'avais besoin d'argent, t'avais fait ça, non? Oui, enfin... Ouais, pour qu'Anakin refasse une course. Mon chéri. Non, moi, vraiment, j'ai envie qu'elle la gagne, cette course. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Du mais on s'en fout. C'est pas cohérent. On s'en fout, c'est doux. Mais non, mais si. Genre, c'est bon, la force, ça fait pas tout, tu vois. Genre, c'est un beau message. Mais genre, la force, ça fait pas tout, mais elle va mourir. Mais la force chez elle. Mais elle va mourir, c'est une bonne pilote. La force ou ça marche à l'instinct chez elle, on avait dit quoi? Non, c'est en gros, elle est pas née avec, quoi. D'accord, bon, elle est coupée de la force, ouais, c'est ce qu'on avait dit. Mais ouais, mais c'est pas genre. C'est pas volontaire de sa part, quoi. Non, c'est pas volontaire. C'est Owen le Lars? Oui, c'est Owen. Ouais. Owen Lars. Ouais. Ouais. Owen et Beru, du coup. Beru? Beru? Beru. Bayrou. Ah, and Beru. Owen et Bayrou. Il arrive. Je me suis bien fait avoir par Macron. Je passe un montage, putain de merde. Vous vous souvenez quand je devais être le premier ministre de Macron et je me suis fait virer au bout d'un mois? Il s'est fait exiler sur Tatooine, du coup. Le pauvre. Pauvre Bayrou. Tellement... Franchement, on va pas commencer à plaindre. Non, c'est clair. Ils rendent visite. En gros, ils posent leur croiseur là, quoi. Bah moi l'idée c'était qu'ils le planquent à l'écart des coins peuplés quoi. La mer de sable. Bah, est-ce qu'il y a vraiment des gens? Ah oui c'est vrai, il y a la connasse la vieille qui se balade là. Avec son. C'est quoi mon nom de famille? Comment vous vous appelez? Mais casse-toi la vieille. Et toi là-bas, c'est quoi ton nom de famille? Elle fait référence. Vous en faites pas, c'est une vieille. Fait chier tout le monde dans le coin. Tout le monde la déteste, cette vieille. Le croiseur, il reste en orbite. Un croiseur, ça rentre pas sur les planètes. Bah, dans quel monde? Il y a des croiseurs qui peuvent, des croiseurs qui peuvent pas. Ils pourraient pas. Et les croiseurs, ils sont fabriqués directement en orbite sur des stations. Ils peuvent descendre, enfin. Bah, pas vu l'épisode 2 ou quoi ? Dans l'épisode 2, ils ont des croiseurs triangulaires et c'était expliqué que justement cette forme-là leur permet de rentrer en atmosphère. Tu dis qu'ils ont pas celui-là ? Ah, peut-être qu'ils ont un triangulaire. Ah. Pardon, autant pour moi. Je pense pas qu'ils en ont des très gros, moi. Ah, attends, moi, c'est quoi comme c'est modèle des... Pour moi, c'était des acclamateurs ou des machins comme ça, hein, de toute façon. Mais je crois que c'est ça. C'est les trucs qu'ils ont piqué quand ils se sont barrés. Oui, du coup, oui, effectivement, ils ont ça, un c'est vaisseau. Pour moi, j'avais en tête clairement un acclamateur. En plus, ils sont stylés, ils s'ouvrent sur le haut là pour laisser les vaisseaux sortir. Acclamateur, et puis on avait peut-être parlé d'un Mon Calamari par-ci par-là, mais. Les Mon Calamari, eux, c'est sûr, ils peuvent pas rentrer dans les atmosphères. Ouais. Ils sont pas streamlinés pour ça. Mais par contre, ouais, les acclamateurs, ils peuvent. Oui, on... Voilà, ils sont dans un acclamateur qui s'appelle le Lodestar. Pourquoi le Lodestar ? On a mis des noms. C'est le vaisseau de Hera dans la trilogie Alphabet, donc c'est même pas cohérent en termes de temporalité. C'est du fan service. J'ai fait Adrien. Il fait son Adrien, t'as pas. On veut me silencier et se moquer de moi ici. C'est ce qu'on fait depuis 3 ans. Ouais. Ah putain, ça marche même pas en plus. Non, 2 ans. 2 ans, qu'est-ce que tu dis 3 ans, 2 ans, 2 ans, 2 ans. Ouais, c'est parce qu'on a commencé sans toi. Ouais. On aurait dû continuer. 2 ans pour le bolos, s'il n'y a même pas y a un bah yes. Il reste là. Bah merci. Ok, alors. Ce qu'on pourrait faire du coup plutôt que la course de... Moi aussi j'aimerais bien, mais oui, c'est vrai que c'est un peu... Abusé, non, mais oui, mais et il peut y avoir des courses d'autre chose que des sinon, modules. Juste, hein. Mais sinon, juste au bateau, en fait, il a des dettes auprès des mecs de Boba et il faut lui rendre service, quoi. On n'a qu'à dire que c'est des... C'est beaucoup plus malin comme truc parce que ça permet de faire aller Anakin et Shmi vers Boba, en fait. Oui. Vas-y, mets ça. Je veux plus rien mais dire. Mais ouais, ça fait vas-y, mets ça. Allez, allez. Ah ouais, bah j'y vais. Hein. Réfléchissez à la suite. T'es décalé, ça me stresse tellement. Oui. T'es trop mignon. Bah, je vous laisse réfléchir à la suite hein, pour l'instant. Moi, ouais. Avancer. Ok, on peut faire ça et puis repasser du coup à. Autre chose, Windu organise des orgies de Jedi, du coup. Est-ce que Boba, il a pas quand même une haine viscérale envers les Jedi et ça va être compliqué avec Anakin? Bah oui, ça va être compliqué. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il déteste plus les Jedi ou Windu. Ouais. Mais bah, ouais, en fait, c'est un peu comme la thématique Kanan Rex dans Rebels, quoi. Oui, c'est ça. En mode genre, ils se font pas confiance, mais il y en a un qui lui prouve, mais si, regarde, on n'est pas tous des grosses merdes. Bon, là, Rex, il a prouvé l'inverse, mais... Ouais. Mais non, mais je veux dire, là, c'est envers les Jedi, c'est pas envers les clones. J'avais pas vu Bash qui disait qu'on met une couverture sur le croiseur pour le cacher. Mais en vrai... En vrai, comment ils le cachent, ils mettent un peu de sable dessus. Non, mais ça se voit. Il y a 40 millions de planètes dans la galaxie, c'est mais bon. Non, mais juste tu le te poses, et puis de toute façon, dans la mer de sable, ça soulève plein de sable. Et en plus, ça fait pas partie de la République Tatooine. Donc ils ont aucun droit d'aller là. Bon, enfin, techniquement, tout le monde a tous les droits sur Tatooine. Ouais. Tout le monde s'en branle, oui. Je veux dire. Est-ce qu'il y a oui, mais non, parce qu'il y a Boba sur Tatooine. Donc, c'est Boba, pas pareil. Hein. Il laisse pas la République venir ici du tout. C'est vrai, c'est plus son territoire. Quoi. C'est vrai que si Windu il se pointe, il va pas trop apprécier. Ouais. Oui, vu comme ça, c'est pas mal. Alors, bah, continuez à réfléchir à la suite. Moi, j'écris le truc. Ouais. Est-ce qu'on passe à quelqu'un d'autre du coup? Est-ce qu'on repasse à Padmé et tout? C'est vous. Eh ben écoute. Ouais. Alors. Ils arrivent sur Bespin. Ouais. La cité des nuages explose et ils meurent tous. Non, mais est-ce que ça serait pas rigolo que Lando, y a un arbitre Jedi qui est déjà sur place et que Lando, il les vende comme un gros yinche, comme il a fait dans le premier film. Moi, je trouve ça très drôle. Surtout que c'est pas leur pote, là, donc il a encore moins de raison de les laisser... C'est clair. Mais il tombe genre amoureux de... Il tombe amoureux de Luke, Lando. il est trop con pour attirer Lando, Luke. Ouais, c'est vrai. Ouais, je pense pas. Il est un peu bête, quoi. Après, c'est pas même on Luke, fait une hein. timeline où Luke il finit avec Han et Lando avec Leia. Bah. Ah, ouais, non. Han il est avec Kira déjà. Non, non, non. C'est vrai qu'Han il est avec Kira toujours. C'est la deuxième what if qu'on fait où Han il va finir avec l'amour de sa vie et pas avec la remplaçante. C'est vrai que Kira est avec eux. Donc Kira peut essayer de les aider. Dans ce monde-là, Ben n'existera jamais. Ouais. Bah. Non. Bah non, et le fils de Han et Leia n'existera jamais, désolé. Ouais, non. Jason et Jaina non plus, et on peut se dire ça pour se rassurer. C'est déjà ça. C'est ça de gagner. Voilà. C'est écrit. Du coup, là, vous êtes. Non, et. Dans cette timeline, Ben, pas solo, mais le Adam Driver, c'est le fils de Shmi, qui lui a la force alors que sa mère l'avait pas. Oh, j'avoue, incroyable! Oh là, on a la suite. En fait, ils veulent juste. Ok, on a pour la saison prochaine, les copains. Parfait. Moi, je propose que Leia, elle épouse Dashrandar à la place. Se calmer sur les non, mais le dans une nouvelle colonne. Bordel, mais pour... pense... Bah, parce que comme ça fait nouveau chapitre en gros. Je vois pas on fait trois trucs chapitre, de chaque côté. Regarde Matt, ce que t'es en train de faire. T'en as fait trois d'un côté, bah là on va en faire trois encore, et puis bah, ensuite, suite. Bon, et Rey n'existera pas. Ouais, effectivement, ça c'est plié depuis un petit bout de temps maintenant, ouais, effectivement. La force, elle a changé ses plans, de toute façon. Dashrandar. Juste le mec, il me fait juste rire par son existence. Avec, avec ses oreillers sur les épaules, là. Ah, mais il est ridicule. Et même son nom, Dashrandar, genre, on dirait un putain de personnage de League of Legends, quoi. Alors Dashrandar, je sais pas, ouais, moi je trouve pas ça si horrible son nom. C'est pas plus mieux ou pire que mais Han Dash, Solo, quoi. Dash, c'est pas un prénom, Dash. Bah Anne si, en vrai. Ah si, Anne, c'est un prénom. Dash, c'est ce que tu fais pour éviter les boss dans les dans les platformers, c'est pas... Et Dark, dans Dark Vador, Dark, c'est pas un prénom non plus. Hein. Ah mais ouais. C'est pas Dark, c'est Dark. C'est la version dure, enfin la version obscure de Dashrandar, c'est Bashrandar. Il fait tout le temps des blagues de merde. Tout le monde passe son temps à l'éteindre parce que c'est un drôle. Même ces 3 PO, il y en a rien le cul, tu sais. T'as une scène où C3PO il l'éteint lui-même. Il le jette par la. Tu sais, le airlock. Ah non, terrible. Mais il l'aime bien quand même, alors à chaque fois ils vont le rechercher. On l'appelle Dave de son nom. Oui, donc est-ce qu'on garde le truc où il y a déjà les. Comment ça? Tiens! Adrien! Oula! Sur Bespin, quand ils arrivent, il y a un arbitre Jedi qui est l'arbitre Kestis. Oh my god! Et du coup. Bah, du coup, Lando il les balance du coup? Mais en fait, il a pas le choix, ils sont déjà arrivés quoi, c'est trop tard. Comment ils ont su? Et du coup, Leia et Luke se battent contre lui, du coup. En gros, pendant que Leia et Luke se battent contre Cal, Kira, Han et Padmé sont conduits en sécurité par Lando, parce qu'il avait une dette envers Kira. Mais pourquoi ils étaient là, pourquoi ils étaient là avant? Bah parce que bah comme de l'Empire, il est avant dans Star Wars. Non, oui, mais l'Empire est là avant parce qu'il sait qu'ils y vont. Bah là, c'est pareil, ils ont des agents un peu en poste. Je sais pas, ils ont pu choper. Non, c'est vrai qu'il a raison, Matt. C'est Boba qui avait vu, enfin, qui avait ouais, c'est vrai, ouais, t'as raison. Capté leur trajet. Bon, bah non, ils sont pas déjà là, c'est Lando qui les appelle. Après, si vous voulez. C'est une énorme prime. Après, si vous voulez vraiment faire un coup de ta gueule, c'est la force. Ils ont senti Luke et Leia dans la force, quoi. Enfin... Non, mais ce que dit Grushkov, c'est bien. Ça peut être directement, ouais, Lando qui appelle. Donc Lando, mais c'est en juste mode, un gros fumier, c'est ça? Vous prenez que les Jedi dans ce cas-là, pas les gens qui les accompagnent. À leur arrivée, Lando signale leur présence, c'est ça? Ouais. La République. Ouais, c'est ça, ouais. Et l'arbitre, Kestis. Oh, j'ai pas envie qu'il meure, ça me fait chier. Ah, peut-être que c'est Luke qui va mourir. Il ça coupe bien. La main de Luke. Alors, comment il fait? Oh non, ça lui fait dit, beau, je non. Suis, je suis ton père dans la tête de Adrien. Dis ça, les gars. comment vous écrivez Kestis déjà, pardon? Moi, je connais pas trop. K-E-S-T-I-S. C'est un K? D'accord. Ouais. Voilà, comme ça, on en a mis un. Ça fait plaisir à Adrien. Lâche un peu la grappe, Adrien. Non, mais après, moi, je vais pas être humeur, mais s'il doit mourir, c'est pas grave, je comprends. Il se rend sur place et capture les deux Jedi. Non, bah, ils se battent contre lui. On va peut-être faire un sondage pour savoir. Il affronte les deux Jedi. Là. C'est marqué capture. Ah non, moi, j'ai du retard, je pensais pour ça. Oui, on sait que t'as du retard, t'inquiète pas. Tu mets quoi dans le sondage? Oh, bah. Ah, on ne t'entend plus, Gruche, je pense. Il est en train de mourir, ouais. Gruche, je pense. Il n'y a pas de... Y a pas de S à vous Jedi, m'entendez? On t'entend, oui. Oui, on t'entend. Il n'y a que pas de quoi? Il n'y a pas de S à Jedi. Alors, le sondage, je le fais sur quoi? Alors, le sondage, on peut demander, du coup, lequel des trois meurt? En vrai, de vrai, mort, au moins. Fais ça comme sondage, et en quatrième choix, tu marques... Deux meurent, tu mets genre. On refait un sondage pour savoir. Non. On va dire que personne ne meurt. Par contre, on les laisse choisir lequel des deux se fait capturer à la fin, Luke ou Leia. Ah, mais j'ai lancé le sondage. Ah, lequel des trois meurt? Bon, bah. T'es allé trop vite. Répondez pas au sondage. Cal, c'est avec un C de toute façon. Si, répondez vite, comme ça on finit. Juste pour voir. Je sais pas qui a voté Leia, mais je vais le tuer. Ouais, moi je sais pas non plus. Dans le doute, on va bannir Bash, je pense. J'ai voté Leia aussi. Et Matt aussi. Ouais, je reviens tout de suite, ne bougez pas. Cal, c'est vrai que c'est plein de... Cal. Ouais. Mais dans cet univers-là, ses parents ont fait une faute de frappe. Quand ils l'ont enregistré à la naissance. Mais du coup, ce sondage-là, ce premier sondage, cher chat, il compte pas parce que... On n'avait pas dit les termes complètement. Ouais, il affronte les deux Jedi. Pendant ce temps-là... Alors attendez, Kira on est... avait déjà rendu un service. On est d'accord que Cal Kestis, face à deux enfants Skywalker formés Jedi, il va se faire démonter normalement. Non, il est fort, hein, Cal. Il est fort, rien du tout. Il est fort, rien c'est du tout. Il est meilleur, en face. Non, mais non, mais dans cet univers-là, genre. C'est un Jedi normal, Cal. C'est Luke et Leia, mais élevé par. Enfin, correctement, quoi. Ouais. Non, mais surtout. Non, mais là, par contre, genre, Luke et Leia, ils sont. Je sais pas. Il est à la trentaine, hein. On a Luke et Leia qui ont été formés depuis leur plus tendre enfance à devenir des Jedi. C'est les deux enfants Skywalker. Ils sont ultra, ultra puissants dans la Force. Ils ont grandi avec Anakin, Obi-Wan, Ahsoka. Mais laisse tomber. Il y a pas grand chose qui va faire. En vrai, il peut les séparer hein, déjà. Oui, ça c'est possible. Il peut les séparer, se mettre en un contre un au lieu de un contre deux déjà. Si il réfléchit bien, je veux dire, c'est un arbitre. Les arbitres, c'est les plus forts pour se battre. Ah, on est d'accord, c'est les plus forts. Moi, ça me paraît pas déconnant, hein, je veux dire. Alors, le sondage est terminé, tout le monde meurt. Je veux dire, Ika, Obi-Wan, il gagne contre Anakin dans la Star Wars 3, tu vois. Ouais. Bah, genre, Anakin, c'est censé être le plus grand Jedi de tous les temps. Ouais, mais Anakin se laisse dépasser par sa colère et tout. Et puis, ouais, non. Justement. En plus, Obi-Wan, pour le coup, c'est pas n'importe qui. Bah si. Ouais, oui, bah oui, mais quelqu'un qui non plus dans cet univers, tu vois. Genre, c'est genre un arbitre, tu vois. Genre, le mec, c'est un des grands chefs des... Bon, en gros, ouais, il peut commencer à se battre contre les deux, voir qu'il peut pas... il peut pas les battre ensemble. Il en met un hors-jeu d'une manière ou d'une autre. Et du coup, on laisse les gens choisir lequel des deux il va affronter. Est-ce qu'il en met un dans la carte? Non, mais en fait, il peut affronter qui il veut. Mais nous, on pourrait juste demander aux gens qui perd le combat. Est-ce que c'est Cal Kestis, Luke ou Leia et qui se fait capturer? Cal Kestis pourrait très bien se faire capturer par, voilà. Par le. On peut dire qui perd le combat. Qui perd le combat, Luke, Leia ou Cal? J'aimerais bien que. Faut qu'on refasse un script. que Cal perde comme ça, il. Comme ça, il va devenir gentil après. Like Redemption. Non. Moi, je pense que Cal, tout seul contre Luke, il peut le battre. Le vote est lancé. Luke, c'est pas le meilleur pour se battre. Hein. Non, c'est vrai. C'est vrai. Au contraire. Il est même nul à chier. C'est pas ce qu'on a vu dans Mandalorian. Hein. Il est nul à chier. J'avais oublié ça. Ouais, c'est des robots. Il a juste un sabre laser. Hein. S'il avait pas un sabre laser, bah, il n'a pas une grosse technique. On va pas commencer à faire des classements de Jedi de toute façon. Ah, putain, voilà, on sait ce qu'on va faire dans le prochain épisode. Du coup, t'as pas noté que pendant ce temps-là, les autres ils s'enfuient. Bah non, parce que je ne sais pas ce que je dois noter qui sont les autres, c'est ça le truc. Mais moi, j'arrête pas de demander, est-ce que du coup, Lando, dans le passé, il devait une faveur à Kira et Anne. J'étais resté là-dessus, mais c'est juste que je ne savais pas qui s'échappait, quoi. Mais en gros, Kira, Anne, Padmé. Luke est parti pour se faire capturer d'après le vote, hein, bientôt. Et ça voudrait dire qu'on aurait un Luke qui va peut-être devenir un arbitre, ça serait rigolo. Ouais, pour moi, ce serait bien de séparer les jumeaux et d'en avoir un des deux qui soit vraiment capturé, quoi, qui soit mis devant Windu et tout ça. Et comme Luke, c'est le plus faible... Pas oublier que c'est encore un ado, hein. il a ses hormones d'ado. Kira, y a pas de U. Hein. Non, c'est y a un apostrophe par contre. J'en ai marre des noms, on a Gulp Chipo là. Perdre travers Kira. Et c'est Luke qui perd le combat et se fait capturer par l'arbitre Kestis qui s'enfuit. Tandis que Leia le poursuit et malheureusement ne peut rien faire. Voilà, faire s'échapper. ceux qui s'échappent, c'est Anne, Padmé, Kira, et du coup Leia, c'est ça? C'est ça. Et Leia, du coup, ouais. C'est validé? C'est validé. Oui. Et du coup, après, il faut mettre que... Cal, en fait, il taunte Luke par rapport à son manque de prépuce. Et Luke, du coup, il se laisse avoir par sa colère et il se fait capturer. Quoi, vous, on vous coupe pas le prépuce? Du coup, c'est pour ça qu'il les rejoint. Il les rejoint parce que c'est pour qu'on arrête de couper les prépuces. Et après, il s'est posé un petit prépuce noir électronique avec un petit respirateur. Ouais. J'ai failli aller de travers, je suis en train de voir de Non. Koda, si tu écoutes ça, sache que... Faut pas le dessiner. Tu peux faire certains fanart. Non, non. Et donc, t'es pas obligé, mais... Oh, c'est quoi cette emote, Natachouille? Natachou lapin juge. On se fait juger. Oui. Oh, okay. À juste titre, j'ai envie de dire. Oh la vache, je chiale de rire. la scène avec Vador, quand t'as pas le patin qui lui fait Rise. J'ai pas écrit, j'étais en train de rigoler. Ouais, non, mais il peut le tone par rapport à la mort d'Ahsoka. Oh, je chiale. On a totalement perdu Adrien. Capturer Luc. Non mais, j'étais en train de boire et ça aurait pu être dramatique quoi, j'aurais vraiment pu me buter. Oh la vache. J'imagine l'enquête derrière. Bah, il a juste entendu une grosse connerie sur internet, il est mort en live. Oh. Alors, qu'est-ce qu'il... Alors, parviens à capturer Luc. Et ensuite. C'est pas. On n'est pas prêt de faire la suite là. Qu'est-ce qui se fait couper la main? Ou autre chose. La main ou une autre partie du corps. Mais putain, on a vraiment, vraiment perdu. Il s'est percé les tétons là. J'attends juste que vous qui reprennent un peu là. Tu peux poser la question. Est-ce qu'il se fait couper une main ou pas? Mais oui, non, ça serait trop. Ce que tu veux mettre. Oui, oui, mais tu peux demander. S'il se fait couper une main, une jambe ou rien. Merci de vos réponses. Je suis en train. Est-ce qu'il le met dans la carbonite ou pas? Non, parce qu'il y a pas pensé. Vraiment des nazes, ils respectent pas les traditions. C'est parti, j'ai lancé le vote. C'est très important comme vote. La tête. Il n'y a pas une catégorie autre. j'ai évité. De toute façon, il y a déjà plus son prépuce. Ah, j'aurais jamais dû mettre tête. Mais oui, j'ai hésité, mais je l'ai pas mis parce que bon. Mais sinon, là, la tête serait en tête. Très drôle. Du coup, si le chat vote tête, on considère qu'il est mort, quoi. Bah non, du coup, il lui colle la tête sur un truc. Non, bah non, du coup, c'est comme rien, quoi. Alors. Mais on met le corps sur un droïde de combat, mais oui. Alors que... sa vieille tête du holiday spécial. Si en fait, sur son corps, ils mettent sa tête du Holiday Special et sa tête, ils lui mettent sur un corps de droïde de combat. Du coup, il y a Luke et Luke. Mais c'est la même personne au lieu d'avoir un clone. Oh, mais quel enfer. Il lui coupe la tête et il fait une armée de clones avec. Encore en cours le vote, oui, c'est toujours en cours. Oui, oui, oui. Désolé. Mais ça va partir sur rien, je pense. Ouais, on coupe rien, Natachoui, je suis d'accord. Oui, oui. Là, de toute façon, dans tous les cas, il n'y a rien. Voilà. C'est bon. Luke est entier. En fait, c'est juste Cal, il lui jette un objet dessus, sur la tête, et ça l'assomme, et puis c'est bon. Je t'allais dire, j'aurais une Pokéball. C'est une bonne idée. Moi je dis les carbonites, c'est bien pour bloquer les pouvoirs d'un Jedi. Hein. Je sais comme ça. Mais potentiellement il va finir dans la carbonite. Ah, ouais. Non mais déjà Luke pas entraîné, il s'est pas fait choper par la carbonite. Ce Luke-là c'est impossible. Mais il a pu se faire choper et après foutre dans la... Oui bon, on s'en fout. Allez. Parvient à capturer Luke et est amené devant Windu, c'est ça? Ouais bah du coup c'est il ça. Est ramené sur Coruscant. Tout simplement. Ok. Next. Oh là là. Bah on repart sur sur Tatooine, ah, je suppose. C'est ma langue préférée. Bah je pense, ouais. Mais du coup t'as débordé un peu partout. Je m'en fous. C'est moi qui fais. Je m'y retrouve. C'est pas plus brouillon qu'avant, t'inquiète pas. C'est pas pire. Ouais, faudrait qu'on s'est lancé un peu dans l'histoire, par contre. Comment ? Faudrait qu'on essaie de lancer un peu dans l'histoire et de faire venir Boba dans le lot, parce c'est... que... Adrien, lis la dernière case. Watto, il propose de l'aider à régler ses dettes auprès de Boba. Non, c'est vrai. Adrien, suis. Là, faut trouver juste une péripétie. Je sais. Bah ils vont au palais de Boba. Tout simplement. Oui mais ils font quoi là? Non c'est... Ah, je sais pas. Moi l'idée c'était qu'ils fassent un truc pour Watto qui va lui permettre de régler ses dettes et puis derrière... Ah bah... une course de... pas de pod mais de motojet, voilà. Auprès de... Comme ça on met du Joule. Mets du Joule, Matt. On va te faire strike. Wesh alors ah. Ce sera de famille. Ce qui se faisait, c'était les courses de Skyhopper aussi, dans le canyon du Mendiant. Ah, c'est vrai, ça. Mais voilà, comme on disait, il y a d'autres courses moins dangereuses que pod racing et qui pourraient être tout aussi stylées à rendre... Non, tu peux mettre dans un nouveau truc. Non, je sais pas. Bah, je continue. L'idée, c'est que. Non, je l'ai trop déjà, mais c'est. Ah oui, c'est beaucoup trop. Parce que Boba était en haut constamment du truc. Je pensais raconter. Voilà, c'est pour ça que je me disais, tu peux mettre là et puis baisser les rouges d'une case encore en plus. Mais ouais, ils vont s'occuper de. Ça, après, ça peut se remodifier. C'est pas important. Ou alors. Ouais. Ou alors quoi? Non, mais c'est bon. Je pense que. Faut juste qu'on fasse faire un truc à Shmi parce que faut qu'elle utilise ses talents de pilote. On peut pas dire pouvoir, alors. Donc, Skyhopper, ça. Ou alors une mission pour. Vu que c'est pour faire rembourser les dettes de Watto, c'est une mission. Pour Boba, mais pas forcément à Tatooine, tu vois. Elle intègre un équipage où elle est le pilote de l'équipage pour Boba et de la contrebande ou un truc comme ça, tu vois. Sincèrement, elle mérite mieux. Ah, je voyais bien le truc de course sur Tatooine pour faire écho et tout. Moi. Ok, mais ça me va. Surtout qu'il pourrait la faire, elle pourrait être meilleure que Anakin. Et puis comme ça, ça serait bien. Ça. On perd pas de temps à partir ailleurs, en fait. Même si... Ou alors ça peut être un truc à la Solo, Genre, il faut, genre, tu sais, ils acceptent un petit job sur Tatooine, mais genre, faut déplacer un truc de là jusque là, et sauf que c'est dans une zone où il y a, y a plein de créatures dangereuses et des trucs comme ça, et genre, du coup, faut slalomer, il y a des canyons, des trucs comme ça, et du coup, enfin, les gens en général, quand ils passent par là, c'est la merde. Mais du coup, on a un truc de pilotage, c'est pas une course parce qu'il faut aussi justifier la course. Ouais, pour le coup, c'est vraiment solo quoi. Ouais, c'est ça. Mais mais sur Tatooine. Mais du coup, c'est pas dans l'espace. En fait, voilà, tu mets un truc et tu mets solo, sauf que à la place de Han, c'est Chewie. Je vais rester sur mon idée de course. Moi, j'aime bien la course. Vous préférez les courses ? Ben, je sais pas. La course, c'est pas mal, je trouve. L'idée, c'est genre juste, bah, ils font la course, ils se démerdent pour. En fait, un peu comme Qui-Gon, Anakin, il a un peu été témoin. Enfin, il a pas été témoin de ça, mais je pense qu'il s'en doute à la longue. Mais il sait que ça a été truqué. Tu refais le coup du pari. Sauf que c'est Chewie qui pilote. C'est pas des pods, mais ça marche quand même. Ils récupèrent du fric et ils vont le filer à Boba. Et c'est là qu'ils sont en contact avec Boba. Quoi. C'est pas bête, c'est pas bête. Ou alors il se foire lamentablement et t'as Boba qui débarque. Où est mon fric? Aussi. Pourquoi pas? Bon, le chat, qu'est-ce que vous préférez vous? Alors, je suis perplexe. Le but du truc là, c'est d'avoir de l'argent. C'est une case maxi, hein. Faut pas que ça aille plus loin de toute façon. Ouais, ouais, mais voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on. Enfin, de l'argent ou un deal, tu vois. Ça peut être un deal, c'est pas forcément de l'argent, ouais, directement, tu vois. Comme pour Watto d'ailleurs, c'était un deal. Ils peuvent aller, je sais pas, faire un deal avec les Hutt et. Il y a pas de Hutt là. Boba, il a remplacé les Hutt. Oui, c'est vrai, putain, pardon. Et oui. Pour moi, elle est bien cette idée de. Enfin, Boba, je l'imagine pas trop s'intéresser aux courses de Skyhopper et tout, mais. Ou même de modules, enfin peu importe. Je viens de me rendre compte qu'on n'avait pas fait exprès, mais on avait commencé le What If avant la première bande-annonce de Boba. Et en fin de compte, j'aurais dû faire à peu près pareil dans les deux trucs. On avait déjà eu des ventes avec le couvre Boba, on savait que ça allait aller. C'était du foreshadowing de notre part. Hein. Mais non, on est juste très talentueux. On savait déjà, ouais. C'est... On vous a pas dit, mais on a été embauché comme scénariste sur le Book of Boba Fett. Ouais. Donc, oui, bon, bah voilà, faut juste qu'on détermine quel type de course c'est, du coup, si vous voulez. Quel type d'action, on s'en fout, quoi, tu marques une course de vaisseau et comme ça, c'est bon. Et est-ce que c'est une course? Est-ce que c'est une course dans le sens où on va chercher un truc, on te le ramène très vite Mais est-ce que c'est si grave que ça? C'est juste pour savoir ce que j'écris. Bah, tu marques juste course. Effectue une course. Tu veux que Chewie effectue un travail. Mais ils utilisent, ou... ils utilisent le talent de Chewie, de pilote de Chewie, afin de récupérer de l'argent, comme son père avant elle. Et puis voilà. Voilà, c'est bon. Chewie. Ouais, Chewie effectue une course. Peu importe, juste Chewie une course. Il participe à une course. Et participe à une course pour régler les dettes de Watto. Voilà. Auprès de Boba. Je l'ai fait encore! Sauf que cette fois, ça va dans le sens de Watto. Watto est consterné. Bon, en fait, vous trichez tout le temps, c'est ça? C'est un truc. It's Jedi things. C'est un truc de Jedi. Mais pourquoi Anakin, il participerait pas à la course? C'est Mais ça, il est trop question. Vieux maintenant. Il est pas si vieux que ça, hein. Mais il faut qu'elle fasse ses preuves. Hein. Il est en confiance, il a confiance en elle. Enfin, je sais pas pourquoi il viendrait s'immiscer. Hein. C'est plus l'Anakin con. Non, mais ils auraient pu participer tous les deux, en fait, et c'est elle qui gagne. Si tu veux, hein, mais... Après, voilà. Enfin, elle fait ça. Ou alors, la course, c'est pas suffisant pour avoir assez d'argent. Et Anakin va faire des trucs dans son coin aussi. Tuer des Tusken, par exemple. Et ramasser les canettes vides. Ouais, chemise, elle fait genre. Je peux le faire. En fait, chemise, c'est solo de solo. Ah putain de merde, je viens de renverser mon café. Je vous donne une minute. Désolé tout le monde. Hey, ça change d'habitude, c'est de la bière de Matt. C'est Matt. Putain, si j'ai récupéré ma poisse à ce niveau-là, je suis content. On a bien fait de le prendre dans l'équipe. Ça vous va, ça, Anakin et Watto font appel au talent de pilote de Shmi pour remporter une course suite à un habile pari. Ouais. Voilà. Suite à un habile pari truqué. Bah, un habile pari, quoi. Bah, c'est même pas forcément qu'il est truqué, c'est genre... Shmi a débarqué, personne ne la connaît, personne ne va parier pour elle, donc sa cote est très élevée. Eux, ils débarquent, ils mettent un... Mais ça pourrait être trop drôle. Quoi ? Ça pourrait être trop drôle qu'en fait, l'argent qu'ils ont récupéré du pari pour donner à Boba, c'est de l'argent qui appartient à Boba. Ah bah, techniquement, c'est sûrement lui qui gère les paris sur Tatooine, donc oui. Du coup, il envoie des gens, vous êtes qui ? Vous débarquez, vous piquez mon fric, c'est et vous essayez de me repayer mes dettes avec mon propre fric. C'est pas fou. Et ça peut être très drôle. Ça peut être... Franchement, moi, j'aime bien ça comme idée. Mais après, c'est la mienne. Mais... Non, mais j'aime bien. Et puis, comme. De toute façon, on n'entend plus Adrien. Et puis, l'autre, il est parti. Ah, je suis là. Non, on n'entend plus Adrien. J'entends plus du tout. Ah bon, on n'entend plus. Je crois qu'Adrien est pas là. Ouais. Il avait dit qu'il venait, pourtant, il nous a lâché. C'est pas très sympa. C'est vrai, il était pas là du tout de l'épisode. Vraiment, je marche, quoi. Je suis trop con. Je marche pas, mais. C'est quoi ça? Ouais. Du coup, tu peux le mettre en vert, ça, oui. Le vert de Boba. Par Boba. Est-ce qu'il y a Fennec avec lui dans ce truc-là? Bah, je pense que oui. Puisqu'elle a été. Enfin, à mon avis, elle est dans tout ce bordel de chasseurs de primes. Appel et tout, donc à mon avis, elle est forcément avec lui. Elle est somehow, c'est aussi sa seconde dans cet univers. Ouais. Genre le lendemain, il y a plein de gens qui arrivent, toquent à la porte de la ferme. Genre, c'est. On vous avait pas fait des petites conneries hier? Ouf. Ils brûlent Owen et Beru. Oh non, ben non, ils sont gentils, on avait dit. je plaisante. Ils sont gentils, ça s'appelle quand même un syndicat du crime. Ouais, mais c'est. Ouais, mais, ouais, mais, cool, oui, mais cool. Film, tu vois. C'est le syndicat du crime, mais cool. C'est ça. Oui, c'est les Yakuza dans Yakuza, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Non, parce que en vrai, dans Yakuza, c'est tous des connards sauf Kiryu, donc. Donc, c'est pas ça du tout. Baf. Il y en a des gentils. Quand même. Bah voilà. Mais c'est pas tout le Yakuza, quoi. T'en as 5%. Est-ce que ça vous va, ce que j'ai... C'est très bien. Oui. Ouais. L'autre, il est encore en train d'éponger son café, mais il a fait quoi, une cafetière ou... il a la même place que dans la Cité de la Peur, en fait. C'est une piscine de café. Oh non. Ok. Ensuite. Bon, Watto, il essaye de faire son Watto. Je crois pars dans quel sens? Je continue à monter? Non, non, bah non, tu peux continuer sur le côté. Ok. Ouais. Watteau, il va essayer de baratiner, mais ça va pas marcher. Watteau essaye de baratiner. Shmi essaye de bolosser. Shmi, elle fait... Watteau fait Watteau, Shmi fait Shmi. Et Anakin, il reste tranquille. Anakin, bah, il est en observateur. Ça fait qu'il est... Ça fait qu'il est... C'est le plus suspect des trois, parce que... Ils ont parce pas, qu'il dit rien. Ils avaient pas calé jusque-là que c'était des Jedi. Enfin, ou c'était un Jedi, lui. Bah, ils peuvent faire genre... bon, il est connu, hein. Vous voyez qu'on n'a pas vu votre croiseur, les cons, là. Je pense qu'il est connu en même temps, Anakin, dans la galaxie, maintenant. Ouais, voilà, c'est ça, en plus. Il a cherché, Jedi, en plus, il y a des affiches partout, donc... Enfin, ils sont tous recherchés, en fait, là. Surtout les Jedi, je veux dire. Je me dis peut-être qu'il s'en fout, Windu, mais Anakin... Il y a sa gueule partout, je pense. Ok, là, ils font Solo. C'est genre, bon, je vous ai, vous devez toujours la dette parce que vous avez magouillé. Et du coup, il propose, il leur dit, en gros, il se débrouille. Et Shmi, elle doit faire un boulot pour Boba, pour les libérer tous. Ouais, mais faut que ce soit un boulot de ouf, parce que techniquement, s'il voulait, il filerait Anakin à... Ouais, à genre par exemple, aller chercher du coaxium. Non, il va pas livrer Anakin sur, à Windu. Non, bah, il déteste tout simplement, Windu, ça reste une guilde de chasseurs de primes, si c'est pas Boba qui va le faire, mais... c'est sous-fifre. C'est des chasseurs de primes, mais c'est aussi des dirigeants, et admettons, il peut avoir un problème de... Je sais pas, genre de Crate Dragon, et donc du coup elle peut éventuellement prendre un vaisseau et aller tuer des Crate Dragons C'est pas le maire de SimCity non plus, Boba. Enfin, je veux dire... Ah non, mais j'en sais rien. S'il y a des Crate Dragons à côté, je... Mais non, il s'en fout pas, ça serait con de s'en foutre s'il y a des gens à côté, quoi. Mais. Faut pas que ce soit un méchant, Boba, dans cette timeline. Hein. Bah, c'est un. Bah, là, c'est un chef bah, de syndicat du crime, même. C'est pas non plus. C'est pas oui, mais syndicat du crime, c'est genre le... Oui, il faut leur bail de leur côté, mais tu vois. Il protège son peuple. C'est pas le maire ouais, de. Ouais, c'est ça, mais c'est ça. C'est pas le maire de Tatooineville non plus, le gars, là. Non, mais d'accord, mais genre, je veux dire. Je sais pas, genre, il vend des bâtons de la mort tranquille de son côté, mais en même temps, bah, si on vient emmerder son peuple, bah, il pète un cap, quoi. Oui, mais bah, le mec. Franchement, ça. Mais en fait, il est comme Wilson Fisk, en fait. Je connais pas Wilson Fisk. C'est une grosse merde, mais il croit qu'il fait ça pour le bien de sa planète, de sa communauté. Ils ont la tête d'un mec qui vaut des millions, peut-être un milliard, j'en sais rien, de crédit sous le coude. Ils vont pas lui dire oh, ok, bah t'as qu'à aller tuer la bestiole à côté qui nous casse les burnes, et c'est bon, on te laisse repartir, quoi. Bah ouais, mais comme dit Vatkram dans le chat, Boba il va pas rendre service au mec qui a décapité son père. Oui, mais il déteste les Jedi, d'accord, mais il déteste encore plus ses ennemis des Jedi. Mais, je veux dire, c'est que ça reste un poids dans la balance, cette histoire de... Je pense que Anakin il vaut très très cher. Vous avez raison, on va jamais finir à cet épisode. On finira jamais à cet épisode. Ouais, et c'est chiant parce que j'avais dit qu'on allait terminer. Tant pis, on ferait 4 épisodes. Mais c'est toi qui t'es avancé, Coco. Mais non, mais Grushkov il avait dit en premier. Oui, mais moi je. Oui, c'est moi qui avais dit en premier. Doutais qu'on arrive, on finirait pas ça. Moi je préférerais que ce soit Shmi qui fasse une aventure parce que c'est la nouvelle oui, génération. Ça, je vais faire, et pareil, hein, pareil. De toute façon, il va garder Anakin sous le coude, il va pas lui dire. Voilà, c'est vas-y, ça. Vas-y, fais faire un truc, je te fais confiance, tu vas revenir, hein, de toute façon. Ils ouais, peuvent même discuter un peu pendant ce temps-là. Tu vas laisser tout se barrer tout doucement. Ça, c'est une bonne idée. Même... Ça, c'est une... Pendant qu'elle est par faire son bail. Lui, il cause avec Boba, ils finissent par. Voilà, c'est ça. Tomber, ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Et là, revient, c'est bon, j'ai réussi, machin. Ouais, non, c'était pas la peine. C'est cool. Mais. Ok, c'est ouais, cool. C'est ça, ouais. Beaucoup cool, les loulous. Ok, on est cool. Ok. T'as fini d'éponger ta piscine. Quelle galère, ouais. Ouais, mon pauvre. Fais quelle maintenance ta tasse, parce que là, c'est impressionnant quand même. Non, c'était une petite tasse, mais c'était dans le clavier. Ah oui. Ah merde! Mais oui, voilà, justement, Boba, il sait qu'Anakin, c'est un ennemi de Windu. En gros, eux, ils font une scène de mafia, tu sais, où genre, ils veulent tous les deux la même chose, mais ils se foutent des coups de pression quand même l'un l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas un Mexican stand-off entre les deux? Bah, moi, j'imaginais plus ça, genre, pendant un repas. Et t'as ah ouais, Mato, j'avoue. Fait, ah ouais, trop fun, je comprends pas ce qui se passe. Et puis, tu sais, t'as un plan sur les yeux d'Anakin et un plan sur les yeux de Boba en face de l'autre. Ah si, ça marche bien. Il fait trop rire cet enfant. Bon, qu'est-ce que j'ai raté? Bah, résumez-lui pendant que je crie. Bah, du coup, t'en étais à où, Biboot? Eh ben, en fait, j'ai rien raté. Ah, bah, ok. Il y a une case que je viens de lire et tout va bien. Mais du coup, on n'a pas écrit que quand même, Fumi, elle fait un boulot pour, genre, hein. Pour Boba pendant ce temps-là. Vous vous souvenez, le chat, quand on a dit au début qu'on refaisait pas un script de film. Mais on fait moins détaillé que la dernière fois. Hein. C'est vrai. Oui, bon, on a quand même un screenplay, alors je veux dire, tu as juste à étoffer entre chaque case. Développer chaque case, mais t'as vraiment un truc, quoi. C'est vrai. C'est scandaleux. Ce que je veux dire, c'est qu'il va pas. Évidemment, il va pas le filer à Windu, mais il va mettre ça dans la balance. Quand je disais qu'il avait une grosse prise. Une grosse. Genre, Anakin, ouais. Il est pas obligé de savoir que. Que quoi ? Que Boba, il veut buter Windu au départ. Ah oui, non, justement. Je pense qu'il lui dit, bah non, attends, mec, tu vas pas repartir comme ça. Ta tête est mise. Enfin, t'es le mec le plus recherché de la galaxie, hors de question que je te laisse te barrer. Puis en plus, de toute façon, on voit tout, il a toujours de la thune. Donc t'envoies ta gamine faire un truc, machin, on s'arrange. Toi, tu vas rester là gentiment. Et là, ils discutent, ils finissent par s'entendre, entre guillemets, en tout cas, tomber d'accord sur le principe. L'autre, elle revient en se faisant, ouais, c'est bon, j'ai réussi à faire mon truc. Ouais, mais ta caisse, c'était pas la peine, en fait, on s'en fout. Ouais, c'est ça, elle revient, genre avec. Des trucs genre de fou et tout, et elle voit son daron avec l'homme le plus dangereux de la galaxie qui sont en train de picoler. Ouais, c'est ça, ils sont en train de picoler au bord du truc. ils sont devenus potes entre temps. Ils se tiennent par l'épaule. Ouais, hey, mais Windu, c'est quand même un sacré connard. je me demande, justement, Boba, il a plein de connexions et tout. Ça pourrait être genre Anakin, il dit moi, je veux bien qu'on fasse notre alliance, mais. Retrouve ma famille d'abord et ramène-les ici. Ouais. Ouais. Et comme ils sont déjà avec Han, Boba, il sait déjà où ils sont. Exactement. Si, c'est pas con, hein. Ouais. Il faut c'est peut-être moment, pas forcément Anakin qui le dit, mais ça peut être Boba. L'info soit donnée de façon, voilà, Boba, il de peut... façon logique, naturelle. Enfin, c'est... Boba, il peut aussi mettre ça. Genre, Boba, il petit à petit, au long du truc, il révèle ses cartes. Il fait bon, bah, déjà, il y a ça. Et puis en plus, j'ai le reste de ta famille. Alors, le truc qu'il y aurait à faire éventuellement, ça serait qu'à un moment donné, Han soit dissocié des autres, de Padmé et Leia, qui reviennent auprès de Lando, alors que Lando est avec Anakin. Et il fait ah, Skywalker, tiens, ça me dit un truc, je croisais deux personnes l'autre jour, enfin, tu vois. Et puis du coup, bah là, ça fait connexion. Par exemple, même si c'est là, tu peux téléphoner, mais au moins il y a une connexion naturelle qui se fait. C'est pas. Vas-y. Ah oui, si, ta famille. Bon, c'est où aller, hein. Il y a des mecs qui l'ont. Qui ont vu ça chez nous. Enfin, je sais pas, il faudrait trouver un truc un peu, un peu logique. Vas-y. Non, mais je suis en train d'écrire. Continuez, hein. Ouais, bah pendant ce temps-là, faudrait voir ce qui se passe. Ben pendant ce temps-là, Luke, il arrive sur Coruscant. Oui, tenez, réfléchissez à ce qu'on fait de Luke. Bah Luke, il va se faire torturer, je pense. Nice. Luke, il va ouais, de la torture. Mais je crois qu'il bah de la torture, genre. Ouais, faut trouver comment non, il le torture plutôt... vu que c'est des Jedi. Ouais, je pense qu'il va plutôt genre être d'être manipulation. Être manipulé, ouais, c'est ça, ouais, c'est la ça. Manipulation as fuck. Et... Lui, il est manipulable en plus. Hein. Ici, tu verras, on est bien. Viens, là-bas, ils sont des connards. Ici, on est des vrais Jedi, tu vois. Et du coup, en fait, genre, quand sa famille va arriver, là, je vais dire un peu plus vite, mais quand sa famille va arriver, genre, ils vont tous croire que Luke, c'est devenu un méchant. Et en fait, non, Luke, c'était un agent double depuis le début. Et en fait, il va se battre contre les... Contre les... Non, mais vous voyez pas ce que je veux dire. Ah, j'aimerais bien que Luke, il passe vraiment temporairement chez les autres. Ah bon, moi je. Enfin, là, je tu pas, marques tu les aventures de Shmi, Matt. Puis... ouais. Shmi a son propre spin-off. Elle a son propre crew de potes et tout. Non, mais je sais pas, elle peut. C'est là qu'elle peut partir. Avec Quato. Un buddy movie et Quato. Putain, mais ce serait trop bien. Non, mais avec, avec R2 déjà. C'est un roman ou une série. Ouais, une série Disney Plus, comme dit Fat Cram. Mais ouais. C'est un comics en 8 numéros. Oh putain, et Greedo. Et Greedo, il. Greedo, il bosse pour Bozo. J'y ai pensé à l'instant, Greedo, mais j'ai pas le temps de faire ta question encore. T'es à moté. À chaque fois qu'il voit Shmi. Évidemment, ils finissent ensemble. Bah oui. C'est un spin-off comédie romantique, mais qui finit mal. Et en fait, voilà, Shmi lui tire dessus tout de suite. Et elle se retourne vers la caméra et elle fait « I shot first !» Et quelqu'un de merde. Et après, elle vient chez toi et elle te met un gros coup de coude dans les côtes. Elle fait « T'as vu ? T'as compris la référence ?» Et puis elle prend... elle prend une bière dans ton frigo. D'accord sur l'intérêt d'une alliance. Allez-y, hein. Je veux garder du shitpost de Ika. Qu'est-ce qui me fait écrire ça? Son crash oui. Ouais, il préfère crash oui que accueilli. Machoui, crash oui. C'est spécial hein, comme comme correcteur. Avec un spin-off de film. Avec des intérêts, mais je sais même plus écrire des intérêts. Comme ça, je crois. Il est tard. Hein. Ouais. Intérêt. Ok. Du coup, les exploits de Shmi sont accueillis avec crachouille. Le fameux. Son crachouille avec des intérêts. Le célèbre crachouille. Ouais, donc on passe à Luc. Bah du coup oui, allez-y. On met la voix de. Le taf pendant que j'écrivais. Mais... Comment il s'appelle? Je préfère m'agrader d'écrire. En gros, il lui dit « Look, you're struggling to have everything you et ben, on want. » On peut tout simplement dire qu'il manipule Luke et le retourne contre sa famille. Ah non, il est mort. Lui. Ça. Vous voulez pas faire un sondage pour ça, pour ça que Yoda, il est mort, Yoda. Ah oui, Yoda, il est mort. Tu voulais faire un sondage pour quoi, Adrien? Pour savoir si c'est lui qui devient vraiment méchant. Pour moi, là, il va rester plusieurs mois. Hein, captif en captivité. Entre le deuxième et le troisième film, en fait. Bah, pendant tout le spectacle. Non, parce que concrètement, il n'a aucune raison de devenir méchant. Bah, si, il a plus de prépuce. C'est gentil. Mais... canoniquement, je veux dire. Bah, je sais pas si tu fous. J'ai fait un petit vote pour savoir. Mais si, bah, Flux est le plus influençable de la famille. On peut trouver une raison pour laquelle ça arrive aussi. Hein. Enfin, non, pas de la famille. Oui, Anakin, il est encore plus influençable. Mais il tient de son père là-dessus. Plus, quoi, maintenant, plus maintenant, je pense, Luke. Anakin, pardon. Ouais, il a vieilli là tout de suite, ouais. Mais encore que. Mais bon, Luke, il est jeune. Donc, à mon avis, il tient de son père là-dessus. Quoi. Il peut avoir un moment d'hésitation, tu vois. Salut, Cowboy et toi. Mais attends, c'est vrai que j'avais pris des notes, moi. J'ai pris des notes normalement pour ce what if là et je les ai pas. Mace manipule le cadavre de Yoda comme une marionnette pour faire croire à Luke que Yoda est de son côté. Avec sa main dans le cul. Ah, non. Oh, non. Et pourquoi? Il a enfilé la peau de Yoda sur un droïde, un truc du genre. Ah putain, oui. Ou alors il utilise Grogu et... Le mec il dit, je ne suis pas un méchant. Hein. Et puis... il fait ça là. Et puis voilà. Grogu avec des faux cheveux et puis des faux rides, des fausses rides. Oui. Grogu avec une moustache. Je me souviens plus à quoi il ressemblait, mais ça devait être un truc comme ça. Il met une moustache blanche. Cherche tes notes, toi, au lieu de crever. Ça y est, c'est fini. Hein. Moi, je suis perdu. Moi, ça fait un moment que je suis perdu là. Heureusement que je dois écrire à chaque fois, je garde un fil rouge. Non, mais du coup, qu'est-ce qu'il dit le vote? Mais il dit non. Il dit non. Il n'est pas retourné contre sa famille. Du coup, mais oui, comme ça, on peut commencer le premier film avec une mission de sauvetage, exactement comme les deux premières trilogies. Ah bah oui. L'épisode 6 commence par une mission de sauvetage et l'épisode 3, il commence par une mission de sauvetage. Et l'épisode 9, il se torche avec ta mère. Il s'essuie le gag avec ta mère. Dans ma version, c'est une mission de sauvetage et c'est là qu'il sauve Lando et qu'il les rejoint parce qu'il était capturé en fait. Ah. Je l'ai jamais écrite jusqu'au bout parce que c'était de la merde. Mais non, ça serait. Mais c'est vrai que ça serait parfait comme début d'autre. Du film suivant, quoi. Mais du coup, on s'arrête là ou. Attends, moi je suis en train de faire un truc alors. Ce qu'on avait là, ça fait pas un film, ça en fait plusieurs hein, ce qu'on a là. Genre. Oh oui. Oui. Ça fait la fin du second film là, en fait. Du 3. Bah. Du troisième, parce que... Là, on est sur la fin du second. On est sur la fin du... Vous pensez, ouais? Ah bah, oui. Oh, on s'en fout. Que le premier film, si c'est... Si on vend ça au format série à Lucasfilm, ils vont faire ça en... Le premier film, c'est la première... C'est avant la naissance de Chewie. Mais non, ça comptait pas, ça. Mais non, mais qu'est-ce qu'il raconte, ce gamin? Ah, ça comptait pas l'avant la naissance de Chewie. C'était l'épisode 3, ça, Adrien. Ah oui, mais faut quand même le tourner. Ah, pas que... Ouais, oui, d'accord, ok, oui, ok. Okay. Ouais. Il compte pas. Oh là là, Adrien. Oh, qu'est-ce que j'ai dit ? Il n'a pas suivi Star Wars. Non, mais ouais, non, c'est compliqué. Luke est captif sur Coruscant. Oui. En fait, là il faudrait faire un espèce de résumé du statut de chacun. En fait, Luke, il est captif sur Coruscant. Ouais. Et Mace Windu essaye de le manipuler. Essaye de le manipuler comme la marionnette. Il y met sa marionnette. C'est horrible. Putain, j'ai l'image avec Mace Windu debout et dans sa main droite, il y a Yoda avec une moustache. Enfin, Grogu qui est enfilé comme une chaussette. Voilà, avec une moustache, et de l'autre, il y a Luke. Le deuxième film, il finit avec, du coup, Luke captif sur Coruscant, Anakin et Boba qui acceptent de travailler ensemble, et Lando et tout, qui sont... Justement, ils se sont enfuis, en fait. On va peut-être faire un truc pour ça, justement. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, l'autre Eux, ils se sont enfuis. On peut faire une dernière case ou un truc comme ça. Je pense qu'il faudrait une case pour eux, genre. On sait pour Luke, on sait pour Chewie et Anakin. Et voilà, on repasse à eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire, eux? Parce que du coup, on se retrouve avec Kira, Han, Padmé et Leia. Est-ce que Lando a suivi ou pas? Parce qu'il est fugitif, du coup. Parce qu'il il se retrouve dans la même position que dans la trilogie d'origine, en fait. Donc il est obligé de fuir. Mmh. Et puis de toute façon, il est amoureux de Leia, Lando. Okay, réfléchis. En vrai, il a presque 40 ans et elle a à peine 20. Han Solo aussi. Non, il est plus vieux, hein, Lando. Lando, il a presque 10 ans de plus que Han. Hein. Et Han est déjà trentenaire. Eh ben, écoute. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette équipe de bras cassés, hein? On a pas la souffleur non plus. Hein. Non, Lando, il commence à fricoter avec Padmé. Et Padmé est d'accord. Je plaisante, hein, c'est pas un vrai truc, mais je voulais juste vous dégoûter. Oui, mais bravo. C'est réussi. Genre, t'imagines, ouais, on va faire un truc trop bien, et Padmé, elle est infidèle. What if Padmé écoutait sa logique au lieu de... Non, mais Lando, de toute façon, il a un seul amour dans sa vie, c'est L337, et voilà. Dans cette version-là, elle est toujours là. Ah oui, bah oui. Elle est avec eux. Il s'échappe avec le faucon, de toute façon, là. Bah oui, là, ils ont le faucon. Maintenant. Oui, il s'échappe avec le faucon, et il y a L3 et tout. Oh, trop stylé. Mais oui, il peut avoir un crush sur Padmé. En fait, c'est L3 qui a un crush sur Padmé. Non, mais pour moi, ils sont vraiment ensemble, Lando et L3, dans cette version. Genre, Oui, allez, vas-y, faisons ça. C'est L3 qui a un crush sur Leia. Ils font un trouble à la fin. Alors, je sais pas ce que ça donne maintenant, mais Lando, il a 31 ans à l'épisode 4. Donc il a exactement le même âge que Han Solo, en fait. Mais attends, mais ils ont pas le même âge, Harrison Ford et... Non, mais... Mais c'est ce que me dit Internet. Et dans Solo, ils ont tous les deux 21 ans. C'est le lore, écoute. Hein. Mais what the fuck ? Écoute, ah non. Il a pas du tout cet âge-là. Han Solo dans le canon, dans Solo, il a 22 ans. Lando a un an de moins que lui dans Solo. Mais c'est pas possible, il est plus vieux que lui. Bah écoute. Même les acteurs sont plus vieux. Va te cramer dans le chat. Maïs qui dit, tu connais-tu la tragédie de Frank Oz, le marionnettiste? Eh bien, je vais te tromper. Donc, il s'échappe à bord du faucon. Alors, enfin, on a le faucon avec L3. Et en plus, ils ont le faucon sexy là. Hein. Ah oui, le beau. Propre et tout. Ouais, le meilleur. Han, il est dedans, il fait waouh. Quand est-ce qu'on s'achète un vaisseau comme ça? J'ai hâte d'acheter un vaisseau propre comme ça et de le dégueulasser. Et tu fais partout sur les murs. Le plus sale. Si, j'ai envie d'écrire mon nom sur les murs avec ma merde. Quelle horreur. Il y a des gens qui écoutent ce podcast. Pardon. Alors, et si vous voulez plus de ça, allez suivre @justecul sur Twitter. Vous pouvez pas chanter en ce moment. J'en suis privé à cause d'un chauve. Et pas Mace Windu pour le coup. Ouais, mais tu vois, encore un chauve, qui aime pas qu'on dise du mal de lui. N'y aurait-il pas un pattern? Mais du coup, qu'est-ce que. Ça serait quoi l'action logique? Est-ce qu'il retournerait auprès de Maz? Simplement? Est-ce que c'est. Oui, ils peuvent retourner Leia là-bas. Et Padmé, alors déjà, ils ont paumé Luke, mais ils savent pas où ils pouvaient passer Anakin et Shmi. Lando, c'est un fuyard pour l'instant. Kira et Han, ils se retrouvent un petit peu mêlés à ça, mais au fond... Désolé, mais depuis tout à l'heure, je cherche et je coupe un peu, mais bon, Lando, j'ai son âge 4 dans le canon, c'est bon. Il est né en 43 avant la bataille de Yavin. D'accord. Il est vieux, alors. Donc il est vieux, oui. Ah ouais, je le voyais pas giga vieux comme ça. Donc effectivement, il a 10 ans de plus que Han Solo. 43 avant la bataille de Yavin, t'es sérieux? Ouais. Ouais, je le voyais pas aussi, effectivement. Pardon, j'écoutais pas. T'avais raison, je viens de trouver son âge canon à Lando, il est né en 43 avant la bataille de Yavin. Ils n'ont pas changé avec le nouveau canon, voilà. Ça colle dans l'épisode 9, avec Salegan. Peut-être. En fait, dans l'ancien canon, il avait le même âge que ça. En gros, ils lui ont donné son vrai âge, en fait. C'est ça. Et quand je regarde dans Légende, par contre, dans Légende, il est censé avoir le même âge qu'Han Solo. Han Solo a même un an de plus. Légende est complètement éclatée. Et ça, on n'a plus besoin de le prouver. Bon, et il est déjà tard. Et on a une du coup, quand il drague Leia, c'est vraiment un vieux connard. Mais en gros, ils peuvent retourner du coup sur, sur Tako Dana. Ils et puis. Simplement pour pouvoir quoi? Pour demander du renfort? Enfin, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils iraient faire? Bah, en fait, ils peuvent retourner là-bas par dépit. Et puis, Anne, il reçoit un appel de Boba. Et on finit sur. Tout le monde se retrouve sur Tatooine. Oui, en fait, c'est ça. C'est qu'ils ils sont obligés de quitter. À ils sont obligés des culs, quoi. Ils sont obligés de quitter Bespin à l'arrache. Et Han Solo, le premier endroit où il va, c'est là où il est en sécurité. C'est mais sur oui, Tatooine. C'est vrai. Voilà, il retourne pas sur Tako Dana, du coup. Qui mais oui. Qui reste sur Tatooine, Han? Ben oui, puisqu'il travaille pour Boba. Et c'est là qu'il est en sécurité. C'est là qu'il doit crêcher la plupart du temps. Ben, ah, ouais, moi, je l'ai renvoyé. En gros, ils se disent, mais... on va pas les renvoyer sur la flotte, vers la flotte qui est à Tako Dana tout de suite. Et du coup, Han, il propose d'aller sur Tatooine. Et, c'est les logique qu'ils rejoignent leur croiseur, okay. Pourtant, non? Parce qu'ils ont laissé leur croix. Bah non, justement, ils savent pas s'ils sont suivis ou pas. Ils ont ah, été retrouvés. Ouais. Ok, ok. Ouais, ça se tient, ça se tient. Et puis, on n'a qu'à dire que le croiseur, il est rejoint entre les films. Ils vont le chercher. Oui, ça va. Après, genre. Un petit courrier holographique. Vas-y, ramène ta gueule ici, ma couille. Eh, viens, c'est cool. Rallier Tatooine. Et on peut mettre qu'ils sont poursuivis un petit peu par une partie de flotte des Jedi. Hein, y a une scène de poursuite, c'est pour ça qu'ils décident. Bespin, je pense. Mais ouais. Bah, tu mets une scène de poursuite, du coup, c'est pour ça que je fais pas un script ou un scénar là. T'imagines le nombre de cas. Mais comme ça, on n'oublie pas. Le nombre de cases supplémentaires. Parce que je nous connais. Alors, après, je vais l'écrire. Après une poursuite, voilà, Anne propose de rallier Tatooine, QG de son employeur, supposé plus sûr que Tako Dana. C'est ça. Enfin, il vaut mieux être au milieu du syndicat du crime. Est-ce que ça se termine genre juste ils sont sur Tatooine, on sait qu'ils sont tous sur Tatooine mais ils sont pas retrouvés. Non, il faudrait que ça se finisse. Le faucon part vers Tatooine mais on les voit pas arriver sur Tatooine, tu vois. C'est beaucoup plus fin de Star Wars, tu vois. Ça finit sur la famille qui se fait un câlin. On s'arrête là-dessus alors. Ah oui. Très bien. Ah j'aime bien. Ils vont se rejoindre. Est-ce que tout le monde valide? Tout à fait. Vous savez, à la fin de l'épisode 5, ça finit où... Ah oui, c'est le genre de fin. Ils regardent la galaxie comme ça, mais tu vois, ils se font un petit câlin et tout. Bah là, c'est la même chose, sauf que c'est sur Tatooine. C'est pareil, mais avec du sable dans l'arrêt. C'est ça. Ah, j'aime bien. Qui a marqué à chaque fois le troisième. Et du coup, on peut mettre là, on fait tout de suite. Venez, on fait tout de suite le troisième. On met il tue Windu. Voilà. Et ce serait bien qu'il y ait une ellipse, genre de 1 ou 2 ans. Mais bah, j'ai dit plusieurs mois. 1 an, ça fait beaucoup pour que l'autre il soit torturé et tout. Je sais pas, dans Star Wars, il peut y avoir des grosses ellipses. Hein. Ouais, hein. En mais vrai, oui, il y en a entre tous les trucs faire, mais... en fait, Adrien. Sauf dans la nouvelle trilogie. Mais... Si, il y en a une, entre le 8 et le 9. Mais ouais. Voilà. Oui, elle est tellement bien cette. Bref. Bah, c'est fini. C'est fini pour l'instant, du coup. Et oui, c'est moi, ça, Vatkram. Pour moi, ça finit de nuit. Vatkram qui dit ça. Moi, pour moi, ça finit avec les 3 lunes de Tatooine. Ah oui, ça peut être. Oh, incroyable. Il y a une lune, c'est Shmi, et une lune, c'est Luke, et l'autre, c'est Leia, tu vois. Voilà. Anne, Leia et compagnie, ils passent en hiver-espace et fondu au noir après. C'est ça. On a les scènes où on voit les autres avant et ça se termine là-dessus sur eux qui parlent de leur poitrine. Ouais, Vatkram, on pourrait dire que somehow c'est une ellipse. Non, mais ouais, s'il y a des ellipses dans la nouvelle trilogie, elles sont très Bah, en courtes. même temps, avec trois lunes, il y a dehors forcément beaucoup d'ellipses. Hein. Non, il y a un an entre les épisodes 8 et 9, hein, ça a été dit plein de fois. Hein. Un an on rappelle que à la fin du film, ils se sont pas parlé une seule fois sans s'engueuler. C'est vrai, c'est vrai. Comment il s'appelle? Po et Rey. Très bien. Est-ce qu'on irait pas se coucher? Eh ben si, je pense. Merci tout le Sinon, monde d'avoir été on là a pour laissé ce plein de taf pour Conway. troisième et dernier épisode de What If saison 1. Ouais, La saison 2 en 2022. C'est ça, ouais, je pense qu'on reprend après les fêtes, hein, Ah ça bah va c'est de faire. toute façon le prochain sera en 2022, l'épisode 4 de la saison 1 du coup sera début 2024, ouais. Mais c'était très cool en tout cas comme toujours. C'est chouette à faire. C'est rigolo, en vrai, c'est. C'est bien amusé. C'est Si vous avez rigolo. trouvé qu'il y avait trop de blanc dans la version audio, n'hésitez pas à venir sur la version vidéo. C'est parce que des fois, on attend que Matt ait fini d'écrire Alors que je leur dis de des continuer, trucs. mais ils me regardent Mais oui, mais travailler. on n'a rien à dire. Mais chercher des pistes pour la suite. Parce que moi quand je vous dis, bah réfléchissez à Luke, je termine d'écrire Oui, sur mais Anakin. on a peur de te. D'habitude, on fait moins de blanc que ça, mais c'est vrai Faire qu'à mon avis, perdre. on est tous claqués Ah de oui, putain, ouf c'est ce bon. Ouais, soir, je crois que je j'ai dit pense. ça. Oui, on n'a pas dit, mais voilà, ils sont tous fatigués. Et moi j'ai Covid. C'est vraiment Donc incroyable, quoi. Comme s'il y a la totale. mine de rien, ça fatigue. Hein. Même vacciné deux fois et tout. Ça se trouve, je l'ai aussi, je sais Hein. même T'es pas en vrai, fatigué. d'ailleurs. Comment? Ça se trouve, je l'ai aussi, je le sais même pas. Moi, Ah j'ai oui, été c'est vrai. vacciné pour ma troisième dose, donc. Ce serait rigolo ça que tu l'aies aussi Ah, on sans le l'aurait eu en même savoir. temps comme ça. Ce serait trop fun que j'aie le Covid, j'avoue, enfoiré. Oui, mais tu peux prendre des jours pour le boulot et t'es en vacances en Je suis gros. en télétravail, alors tu sais, des jours. Ouais. Bah, Relou. Tuki en télétravail, il a pris des jours quand même parce que C'est son travail, c'est pas des sales merdes. Bon, bah, merci à toutes et à tous pour ce soir. Oui, voilà. On peut s'arrêter là. Bah, merci à tous d'être venus. Merci à Vakram, à Tachouille. Il y a Merci aussi d'avoir Bash qui est toujours participé, là. c'était trop cool. Oui, merci comme toujours de participer. Hein, c'est ça qui est sympa aussi, c'est de pouvoir échanger et puis de faire La prendre des prochaine fois, on va décisions aussi pouvoir dans tout faire ça. un plan complètement déglingué de sauvetage qui veut rien dire. Ça sera fun. Ah, Ça sera fun. et d'ici là, Adrien, il aura écrit tout ça sous forme de fanfic. Là, c'est juste Exactement. Oui, ce qui arrive dans. n'oubliez pas de vous abonner au Twitter d'Adrien parce qu'il va écrire sa fanfic sur Caleb Doom et Cal Kestis dans cet univers-là, ben sous forme de thread Twitter en fait Oui, sur alors, les Grushkov, 27 Grushkov, prochaines semaines. Not safe for Grushkov. work, hein, par contre. Non, Grushkov. Non, mais il fait ça Est-ce dans que j'ai le le droit même de le faire? Vélo, donc Est-ce que j'ai le il reste droit de le 4 faire jours. avec le compte? Faut qu'on m'aille news. Ah non, il a dit Non. de s'abonner à ton compte à Non, non, toi. non, À ton ton compte à compte toi. Oh. Alors, attends. Attends. Attends. Si je fais cette fanfic, si cette Coupe fanfiction. le live, Matt. Ouais, Non, faut couper le non, coupe pas live. live. Je Si, veux si, si, si, witness si, me. Adrien. Witness Au revoir. me.